dans la misère. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage Recul. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Requis. Stéphanie Paradis parcourra avec nous le plus récent numéro du journal Zone Campus. On apprendra des choses sur notre corps dans la chronique aux équipes qui s'excitèrent, mais on consommera à outrance dans Ça existe, mais ça devrait pas là. Assemblage Requis commence maintenant. Bon matin, bienvenue à Assemblage Requis en ce mercredi 20 mars 2013. Je m'appelle Mathieu Plante et Jean-Philippe Charbonneau s'en vient dans quelques minutes. Par contre, avant ça, j'accueille Stéphanie Paradis. Bon matin. Bon matin, Mathieu Plante. Ça va? Ça va? Oui, tu vas nous faire ta chronique Zone Campus à 7h30 tantôt. Oui, exactement. On va parler du plus récent numéro qui est encore le hockey en couverture parce que là, le hockey, ils sont pas assez proches, je pense. Ils sont pas assez proches. Ça aurait pu. C'est dans le monde de la réalité de se rendre jusqu'à la fin de cette série-là. Oui, mais ils sont quand même entrés dans les séries par la grande porte. Oh, oh la grande porte! Pas par une fenêtre, là. Non. C'est ça. Pas par la petite porte à chat, là. Pas par les conduits d'aération, là. Comme ou dans la toutes cheminée, les sitcoms. Ouais, ou la cheminée comme le Père Noël. Non, ben donc on va en parler à 7h30 des Patriotes à hockey. Ensuite de ça, à 8h, on aura notre bloc spécial sur les élections de l'AGEQTR. Je sais qu'on reçoit 4 participants aujourd'hui. J'en ai que 3 devant moi. Entre autres, on aura Jean-René Leblanc-Gadoury qui cible le poste de vice-président aux affaires sociopolitiques. On a Michael Magny, poste de vice-président à la vie associative et à l'environnement. Et Mathilde Loisel-Levitson, vice-présidence aux affaires académiques de premier cycle. Donc, ces 3-là et un autre. À 8h. Ensuite, à 8h15 environ, on devrait faire 8h20. Kinky Sexy Time, notre chronique osée Success. Hey. Success. Sinon, autour de ça, on va aussi avoir Sex Fest, ça ne devrait pas on là, où on va acheter des gadgets avec tout l'argent du monde. Ça pousse dans les arbres, ça fera là. Et puis, je pense qu'on va même, et là, on l'a promis maintes et maintes fois, et c'est jamais arrivé depuis des semaines, des mois, on va trouver des slogans. Dans ce slogan, vous va comme un gant. Hey, enfin! Est-ce qu'on va le faire? Des beaux malaises. Ah, j'aimerais ça. Finir sur un gros malaise. Je pense qu'on a le temps aujourd'hui. Malheureusement, on n'a pas Marie-Pierre Laforge-Bourret qu'on avait annoncé. Problème de voix. Et puis, on lui souhaite une bonne journée à l'urgence, finalement. Hey, bonne chance, ça ressemble à ça. Ouais, désolé. Pauvre Marie-Pierre. Ben oui. Non. On a quasiment le goût d'aller la rejoindre à l'urgence. Elle m'a fait pitié. Oui, mais j'ai pas passé assez de temps-là ce mois-ci. ouais. Mais sinon, on va commencer avec la musique de Rara. Rara? Rara? Sur l'album de Poets Dead, voici A Prairie Girl au 89 FM. Bonne émission. I am a darling, I am a dear, oh. Cut your neck if you get too near. When the chips start falling, I'll stay here. Yeah, there's just no et Prairie Girl à Assemblage Requis. Il est 7h07 et maintenant, c'est le moment de s'acheter des choses, hein, parce que dans la vie, faut pas se retenir, là, parce que sinon, là où on sortit, il n'y a pas de plaisir. De toute façon, l'argent, ça pousse dans les arbres, qui disent. Exactement. En passant, là où on sortit, il n'y a pas de plaisir, ça pourrait aussi être la phrase qui va ouvrir tantôt qui est sexy time. Mais pour l'instant, ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. De temps en temps, je mets l'ancien thème de cette chronique-là, puis je m'en rends pas compte. Enfin, il est bon pareil. Ben, c'est parce que moi, l'autre, c'est comme mon thème préféré. Ah, tu l'aimes bien, l'autre, hein? Ah, ben, Colin, mais on va se garnir de l'autre, alors. On va se garnir de l'autre. C'est le hot dog, all dress. C'est ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Marketing aujourd'hui, on a un slogan qui va servir à deux chroniques et deux thèmes pour une même chronique. C'est pas pire. Ouais, je me sens mieux là. Ouais. Je me sens soulagé. Plus. Ouais, oh, oui. Ce qui est la même chose qu'on va finir la chronique XXI Time aussi tantôt avec. Donc, commençons avec notre premier gadget de la journée dans 16 espèces de réponse. Là, où, évidemment, c'est des chroniques complètement inutiles. Par exemple, cette cravate qui va vraiment pouvoir garnir votre veston, chemise. Une cravate en lumière LED. Ah, oh, c'est beau! Ça ressemble à des petits néons, des fils de néons. Donc vraiment, c'est sur Etsy, le vendeur Electric Styles, qui vend ses cravates électroluminescentes à 30$ et des brassières, si tu descends sur la page, à 60$, qui sont aussi faites en fils de lumière LED, en forme, en couleur différentes. C'est particulièrement joli. Cher un peu, mais quand même. Ben non, pas tant. Je m'excuse. Est-ce que tu as déjà magasiné une cravate ou un soutien-gorge? je me demandais si tu allais me demander pour le soutien-gorge. Non, pas encore. Ben, c'est pas mal dans les prix, je te dirais. Pour vrai? Et pour... pour illuminer comme ça, je serais vraiment prête à payer pour. OK, bon. J'ai l'impression que je pourrais aller dans un show des Blue Man Group, là. Taper sur des poubelles? Jean-Philippe Charbonneau qui vient d'arriver, qu'on peut intégrer rapidement à la sauce avec notre spatule. Oui, ça va. Salut. C'était mon mouvement de spatule. Oui, c'est beau. On va utiliser beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, c'est un beau cadeau quand même. Je trouve qu'au lit, là, porter une cravate et un soutien-gorge lumineux comme ça, ça pourrait vraiment vous guider là, vers... Ben, je sais pas, peut-être si tu le brises, tu peux t'électrocuter. Peut-être. Faut pas avaler le mercure. Non, ça, c'est un thermomètre. il devrait faire des sous-vêtements d'en bas aussi. Oui, il y en a peut-être. Peut-être. Avec une flèche qui pointe vers l'endroit. Ensuite de ça, tiens, ça apparemment c'est bien à la mode. C'est un hybride entre un bâton pogo. Vous vous souvenez des pogo? C'était un genre de T sur lequel tu pouvais sautiller. Ouais, les ressorts. Ouais. Exactement, un ressort. Et un scooter. Donc, c'est un pogo stick scooter, ce qu'on pourrait appeler un pooter. Un pogooter. Mais eux l'appellent le Jump X. Parce qu'avec un X, c'est toujours plus extrême. Oui. C'est bien connu, ça. Donc c'est ça, c'est vraiment littéralement, c'est un petit scooter que vous, comme une trottinette avec votre pied, tu sais, que vous vous donnez un élan, puis vous pouvez sauter par-dessus les obstacles. C'est bien fait. Allez voir la vidéo. C'est un projet sur Kickstarter. Ça a besoin de beaucoup plus d'argent que ce qu'ils ont en ce moment. Ils nous demandent 89$ plus 10$ de shipping. Et évidemment, c'est pas parce qu'ils se rendent à leur objectif qu'ils vont vraiment les produire. Ah, je viens de voir la page à jour en ce moment. Ils sont à 19 149 sur 20 000. Il leur reste 9 jours. Ça va se rendre. Ah, c'est pas si pire. Mais honnêtement, je sais pas si c'est une bonne idée de faire ça. Il y a tellement de gens qui se pètent la gueule juste avec le pogo. Je suis pas sûr que ça va être un heureux mélange. Sinon, un hot dog stick? Hot dog stick. Ben pogo. Oui. Oui, dans le fond, c'est comme le pogo, mais t'as l'enrobage de pain pour te protéger. Exactement, tu vois. Comme... Ouais, super. Ouais. Merci d'avoir expliqué ma blague qui, dans le fond, n'avait pas vraiment de sens avant que tu l'expliques. Ensuite, le plus petit téléphone du monde. Beaucoup trop petit, c'est le Wilcon Phone Strap 2, qui est un cellulaire qui est présumément le plus petit du monde. À 380$, c'est comme une boîte de tic-tac avec un écran couleur d'un pouce, une antenne, et vraiment l'antenne est pliable. 2 heures de temps de parlage au téléphone et pas de caméra, évidemment. Je sais pas à quoi ça sert s'il n'y a pas de caméra pour passer sur Instagram et Shredder. Donc, allez voir les photos. C'est le plus petit téléphone du monde. Écran couleur, là, pour vrai, quand même, au moins, tu peux faire quelque chose. Pas comme les petits téléphones pour personnes âgées avec des gros boutons. Mais je sais pas, je regarde le téléphone, puis ça a pas l'air d'un téléphone intelligent. Là, fait que de toute façon, d'avoir une caméra, ça a plus l'air de, tu sais, distributeur de PES. Ouais, oui, tellement. Mais t'imagines avoir l'afficheur là-dessus? Ça te prend des maudits bons yeux. Mais ils ont manqué leur opportunité, justement, en mettant pas de bonbons dedans. Mm-hmm. T'sais, surtout que l'antenne est rabattable. Donc, t'sais, si tu pesais sur l'antenne et qu'il sortait un bonbon en dessous, ça aurait été parfait. Mais bon. Ensuite, alors ça, c'est un nouveau style de cube Rubik. Vous savez, les cubes Rubik sont rendus tellement faciles. Là, on voit sur YouTube un gars qui fait des cubes Rubik en faisant des push-ups avec une main. Oui, c'est ça. Donc ici, c'est un nouveau style de cube Rubik qui s'appelle le Roulette Wheel IQ Cube à 80$. Donc, beaucoup plus compliqué parce qu'il y a une roue sur chaque côté. Donc, il faut matcher les couleurs, il faut matcher les chiffres dans le bon ordre. T'sais, donc, c'est super fancy quand même. Cube à 6 surfaces, 6 couleurs. C'est très différent et très spécial. Il faut accomplir, réussir à matcher chaque couleur de chaque côté et ensuite la roue dans le bon ordre de chiffres. Donc, allez voir les photos et puis achetez-le sur assemblagerequis.com. C'est pas mon genre de jeu, ça. Trop intelligent pour moi. Moi aussi. Mais pour vrai, la seule fois où j'ai réussi un cube Rubik, c'est parce que j'avais enlevé les autocollants dessus, je les avais replacés ailleurs. Je veux dire, je regarde ça, puis ça me donne pas goût de jouer, ça me donne déjà le goût de sacré. Est-ce que je les avais remis droit, est-ce qu'ils collaient bien comme il faut, et ça avait tous les coins retroussés, les collants? Ben non, mais ils ont pas recollé du tout, là. C'était vraiment un échec total. Un échec, un autre jeu où tu peux peut-être changer les cases de place. Non, les échecs, tu peux pas vraiment. C'est pas mal noir-blanc. Oui, mais je suis pas bonne non plus. Ensuite, on fait du vélo dans la vie, mais on se fait bien trop voir, là. Ben oui, on se fait bien trop voir, puis on se fait pas foncer dedans. Donc, à la place, il te faut un vélo transparent, parce que là, on le verra pas, puis là, on va te foncer dedans, tu sais. Parfait à Montréal. T'sais. Un souhait de te suicider. Donc, c'est le Invisible Bike, oui, à Montréal, le Bixi pourrait être le prochain modèle. Ça pourrait être le prochain modèle de Bixi. Donc, Jimmy Kunnelne. Donc, c'est un vélo composé de panneaux de Lexan. C'est juste un genre de plastique plexiglas. Et lui, le gars s'habille pour le montrer en habit un peu transparent aussi. Un genre d'imperméable transparent. Et vous pouvez aller voir d'autres photos sur assemblagerequis.com. Je trouve qu'on le voit très bien, son vélo. Là. Ben non, mais c'est ça. Il ose appeler ça invisible. Il n'y a pas un vélo avec lequel tu vas te faire regarder que celui-là. Non, c'est ça. Appelez ça un transparent bike, mais pas un invisible bike. Surtout habillé comme ça. T'imagines, tu sais, le gars, il fait du vélo, puis il a chaud. C'est sûr que ça respire pas, sa combinaison en plastique. Il porte un genre de speedo blanc, tu sais. Oui. Il manquait avec le sac banane, puis on est parti pour ça serait parfait. Ah, ça, c'est intelligent. Tu sais, on a toujours eu le problème dans la vie de recevoir des lettres, par exemple, des lettres de cadeaux de ta grand-mère à Noël, quelque chose comme ça. Tu veux savoir à l'avance combien tu vas recevoir d'argent. Ou tu sais, tu reçois une lettre de bêtise de ton de locataire de ton bloc appartement, n'importe quoi. Tu veux voir à l'intérieur. Donc, c'est un envelope X-ray spray. Tu sprays sur l'enveloppe et ça va, pendant 30 à 60 secondes, te montrer ce qu'il y a à l'intérieur et ensuite ça va disparaître parce que, à jamais. Je sais pas dire, ça ressemble pas mal à juste de l'eau, tu sais. Oui. Sauf que là, si ça disparaît, c'est pas ou faire cuire du poulet dessus puis le gras va. Oui. Mais non, c'est tu peux vraiment comme espionner le courrier de. Je sais pas, tes voisins de bloc, là, puis le courrier est sur le dessus. Ouais. Ben c'est ça, je suis un peu fouillé. T'as l'air malhonnête un peu, là. Oui. Dis pas ça à la radio. Donc c'est le X-ray spray. La prière de l'enveloppe. Donc 16$, canne magique complètement. Il y a une vidéo de démonstration sur le site, évidemment. Ensuite, même si vous n'êtes pas un super-héros, mais en fait, les super-héros doivent aller aux toilettes aussi. Mm-hmm. On s'entend là-dessus, mais nous, on n'est pas des super-héros. Mais on peut se prendre pour des super-héros en se nettoyant les fesses avec le Super-Hero Toilet Paper! Oh! Ça ressemble à un épisode de Batman. Ouais, pow! La série des années 60. Pow, bamf, whoopf, whiz, wham. C'est en anglais. Oui, c'est en anglais. En français, c'était aussi en anglais. Ouais. Ah, probablement. Que oui. Ça devait faire bizarre des woumpf. En français. Mais bon. Donc, le Super Hero Toilet Paper qui s'achète en ce moment même. Et je vais même vous donner le prix sur entertainmentearth.com. Ça coûte 5$ pour un rouleau, apparemment. Hein. Ça donne le goût de l'essayer. Oui, cher du carré. Pour toutes les fois où dans les toilettes du Nérébeauchemont, on n'a pas de papier. Bah! Oh! Bah! Dans ta sacoche, tu vas pouvoir transporter ça? Oui. Tu as l'air de quoi, toi? Ben, d'une super-héroïne. Oui, d'une droguée à la super-héroïne, oui. Ensuite, tu as besoin de prise de courant, mais sur ton comptoir, mettons, Et tu veux pas éclabousser. Puis prendre trop de place. Prendre trop de place, bon point. Et éclabousser avec, mettons, c'est de la sauce béchamel sur une prise de courant. C'est pas un choc. Non, non. Ben, c'est un méchant bon choc parce que là, ça, j'imagine que tu goûtes bon après. C'est quoi? Ça marche tout de même. Passe pas. Donc, le Hidden Pop-Up Outlet, c'est, c'est des prises de courant finalement qui rentrent dans votre comptoir et il y a un seau hermétique dessus. Donc, quand tu le rentres dans, dans le comptoir, ben c'est protégé et quand tu le sors de là, ben là, c'est, j'imagine, plus vraiment protégé. Il faut que tu fasses attention. Alors, en effet, je veux dire, tu fais attention, mais ta prise de courant reste exposée si tu fais de la sauce dans ton blender. Là. Ouais, je pense à ça. Ça doit être une question de place. Plus, mais en même temps, tes prises de courant sont plus sur le mur, d'habitude. Ouais, c'est vrai. Ben, c'est ça, une question de place, ça en prend plus. Ouais. Je comprends pas, finalement. Hein? Non, moi non plus. Mais c'est plus, beau. Ben, c'est triste beau. Parce que on dirait vraiment que le gars, il a un comptoir de marbre, puis il a vraiment fait un gros trou dedans pour faire ça. Tu viens de perdre comme 150$ de marbre avec ton trou de 9 pouces de diamètre. Mais le nom, il est cool. Papa Pamplette. On dirait Ron Popeil, le vendeur de malaxeur à la TV. I am Ron Popeil with a magic juicer. OK. Personne ne comprend la référence. Oui. Oui. Mais okay. Je veux dire, on s'en tient à ça. Oh, mais Ron Popeil, il faut que ça vous fasse rire, là. Il est vieux, hein? Non, il a l'air mort quand tu le regardes. Mais bon. Ensuite, non, c'est rien contre lui. C'est pas contre l'âge, c'est rien contre le fait qu'il a l'air de zombie. C'est de même. Je l'aime, la prochaine. Hey, yay! Bon, parlons-en. On a tous le problème, évidemment, de vouloir conserver ses clés USB. Conserver. Tu sais, parce qu'évidemment, les clés USB, à l'air frais, à l'air ambiant, ça va mourir un jour. Pas vrai du tout. Ici, c'est un genre de minuscule pot et un bloc de liège en forme de bouchon. Et la clé USB, c'est le bouchon de liège. Et quand tu veux protéger l'entrée de l'air et de la poussière dans ta clé USB, tu peux mettre le petit pot après. Ça fait comme du vent. J'aime l'idée. C'est très bon, très, très cute. Ça va faire parler de tout le monde. Là, ça. C'est le USB Bottle Drive avec flash drive, removable cork. Et puis, c'est ça. C'est super. Hein? Oui. Je regarde son portable dans lequel la clé USB est branchée et je me dis que ces deux ports USB sont vraiment très éloignés. Ouais. Je suis pas sûr que ça va faire ça sur mon portable. Moi non plus. Je suis sûr qu'ils ont dû trouver un portable que les ports étaient assez... Ouais. Il y avait assez de séparation entre les deux parce que sinon, tu bloques les deux prises. Et en plus, c'est que le bouchon de liège est tellement épais que si l'ordinateur, parce que là, l'ordinateur qu'on voit là, là doit être surélevé. Ouais, par le bas, là. Ouais, il doit être à angle, parce que c'est pas génial. Ah, tellement! Non. C'est fait pour quelqu'un qui a une tour. Ben ouais, puis qui a une tour et peut-être une rallonge USB pour brancher dedans, parce que c'est pas optimal du tout. Mais c'est beau. Ça peut être, mais c'est beau. C'est tout. Dans la vie, il faut souffrir, hein, pour c'est être... Une clé USB. Voilà. Ensuite, prochain problème de la vie de tous les jours, c'est d'avoir à changer les chansons sur ton lecteur MP3 à la main. Ah, ça, c'est-tu fatiguant? Ah, là, sortir ton iPhone, ton iPod ou ton appareil. Neige, puis là... Oh. Oui! Ah, puis il faudrait que t'enfiles tes gants tactiles pour changer de chanson. Non, gars, pas l'affaire de même. Tes écouteurs peuvent maintenant servir de télécommande avec du tactile. Chouing! Sur ton écouteur, gars, je le fais sur le mien, là. Chouing! Je préfère ça, changer de chanson en faisant gauche-droite. Ou monter et descendre le volume en faisant au bas, en touchant sur ton côté de l'écouteur. C'est les finger swipe headphones. Et en plus, les écouteurs sans fil, Bluetooth, USB, batterie rechargeable qui dure 10 heures pour une charge, une heure de charge. Et en plus, ils se plient. Wow! En tout cas, si je me fie aux souris tactiles, là, je me demande de si ça va. Pas de la marre. Non. T'imagines comment tu peux faire chier ton ami? Ah, je suis vraiment content d'écouter cette tune-là. Tu augmentes tout le temps le volume. Oui, oui. 150$, c'est cher payé, mais... Quand même. Ça peut avoir une méchante bonne paire d'écouteurs pour le même prix. Ouais, pas mal plus de qualité. Et puis avec peut-être même le cordon avec les petits boutons dessus, qui est bien en masse, ça, là, dans le petit cordon, pour vrai, pour changer le volume. Mais bon. Ah, génial. Prochain problème de la vie, c'est que ton iPhone, ton appareil, ton téléphone... Moi, je dis juste téléphone. Dorénavant, moi, je me donne comme règle, je me suis dit ça hier... Je dis plus téléphone intelligent, je dis téléphone. Parce qu'à un moment donné, non, mais est-ce que, je veux dire, ils sont tous rendus intelligents. Ben, téléphone maison, non, faudrait que tu te fasses moins de téléphone maison. Ton cellulaire, ton téléphone cellulaire, ton téléphone portable, ton téléphone mobile. OK. Parce que l'intelligent, on s'entend que ça n'a pas rapport, puis les autres téléphones sont pas stupides, sont juste qu'ils font moins l'affaire. Ils sont plus plates. Ils sont plus plates. Téléphone plate, téléphone le fun. OK. Téléphone Mayplay avec un FUN. À la radio, ça va être logique, ça? Ouais. Bref. des fois, un téléphone cellulaire, tu sais, quand, mettons, ça plante, puis ça te fait chier. Hein? Mm-hmm. Donc, mettez-leur une petite paire de bobettes. Hein? C'est une paire de sous-vêtements qui va sur le téléphone cellulaire, intelligent ou autre. C'est ça, c'est juste une paire de petites culottes, 3$ chaque. Tu peux les avoir de différentes formes, G-string, Speedo. Il n'y a pas de sac banane encore une fois. C'est manquant, c'est un manque flagrant. Donc 3$ chaque, c'est pas cher pour une paire de bobettes pour mettre en bas de votre téléphone. Et évidemment, le bouton maison sur l'iPhone fonctionne quand même en dessous du sous-vêtement. Il faut juste que tu y pèses dans l'entrejambe. C'est comme ça que ça m'allume. Ça m'allume, Steph. Oui. Ben oui. Le prochain problème est d'accrocher ses clés ou n'importe quelle autre affaire, mettre son téléphone cellulaire dans l'entrée. Quand t'arrives à la maison, tu veux domper tes cossins. Moi, à la maison, je m'assois dans le divan. Je trouve ça plate d'avoir un paquet d'affaires dans mes poches. Hein? Et en plus, avoir des affaires dans mes pockets sur le côté. Et en plus, dans le sens que... Inarrêtable. OK. Donc, j'enlève mon portefeuille, mon téléphone, mes clés. Mon crayon, je dompe ça dans une station d'accueil à la maison. Une home station, welcoming station. Tu dompes ça là-dedans. C'est bien pratique, mais le lendemain matin, quand tu t'en vas, des fois, tu oublies quelques affaires. Parce que c'était dans le petit bol, dans le petit contenant. À la place, ce gadget-là et le wall hub, ça s'installe sur votre plaquette de boutons on-off de lumière. Mais là, si on peut dire comme ça. Ouais, puis tu peux plus ouvrir tes deux autres lumières. C'est ça, ben. Faut que tu le mettes sur les boutons qui sont moins utilisés, peut-être. Je sais pas, en fait, je me suis pas plus renseigné sur la fonctionnalité de est-ce que tu peux le tasser facilement, ce cossin-là. Ça, c'est plus pour installer, genre, chez ta matante, où il y a la fameuse, tu sais, les on-off qui marchent plus, là. Ouais, les vieilles affaires qui sont pas branchées à rien. J'en ai deux chez moi. On se demande toutes, c'est quoi, hein? Des Switch qui ne servent à rien, je trouve ça fantastique. Ben, tu vas pouvoir l'acheter. Moi, j'en ai pas. Je trouve ça laid. Non, ouais, c'est pas très beau. C'est laid, c'est comme du de leur amour. Ça ressemble aux petits crochets collants que tu mets derrière une porte, puis qu'après un mois, ils sont plus là, tu sais. Exactement. Mais tu les as jamais retrouvés par terre. Non. Au Dollarama, c'est pas des produits 3M. 3M, c'est de qualité. Ça, c'est pas des produits 3M. Mais c'est aussi laid. C'est aussi laid. Mais bref, je vous l'explique quand même. Donc, le wall hub, ça s'installe sur votre plaque à 3 ou 4 boutons en off. Et tu peux... t'as des crochets pour mettre tes clés. Et t'as aussi un contenant pour mettre ton téléphone et tes enveloppes peut-être à poster plus tard. Donc, voilà, c'est sur Kickstarter. Et étrangement, les amis, vous me dites que vous trouvez ça vraiment laid. Mais leur but était de 5 000$, ils sont rendus à 11 236 avec 450 personnes, 449 qui ont décidé de mettre de l'argent là-dessus. Beaucoup trop. C'était pas des lumières, ces gens-là. Bah! Allume tes 100 watts! Le plastique a l'air tellement cheap. Vraiment. Mais il y a différentes couleurs. Ah, ben au moins. Ça vient tout changer, hein, c'est ça? Oui, parce que le blanc, il est assez blanc en plate. Et c'est des petits trucs qu'on peut dévisser et visser soi-même. Donc, il y a différentes configurations. Là. C'est en trois parties. Bref, les explications sont sur le lien sur assemblagerequis.com. C'est quand même bien expliqué et peut-être que c'est pour ça que c'est devenu populaire à cause de la façon de le personnaliser. Ensuite, on veut tous un dirigeable dans la vie. On veut tous recréer la tragédie de... C'est quoi le nom de ça? Je ne sais plus de son nom. Bref, les dirigeables, c'est les ballons qu'on peut contrôler. Là. C'est comme d'habitude, c'est un genre de véhicule, genre dans les airs, un dirigeable, bon, lors des parties de football, etc. Mais ici, c'est un minuscule, c'est le nano blimp télécommandable avec une petite manette RC, donc radio control. Avant, arrière, gauche, droite, rotation, etc. Ça va pas de côté, apparemment, tu peux pas faire de genre de d'angle. De slice. Wow! et puis tu peux, sur la même télécommande, avoir 4 appareils dans la même pièce. Donc, pouvoir faire des battles. Comme dans Mario Kart. Là, tu mets des petits picanes avant de tes dirigeables pour aller péter la ballon des autres. Exactement. Cool. Violence. Donc, 50$ pour un. Ça inclut 10 ballons parce que c'est vraiment avec des ballons gonflables de fête. T'as les hélices, t'as le truc pour le garder stable et t'as la télécommande. Il va falloir trouver l'hélium soi-même. Oh, pas de l'hélium. Non, je sais pas. Il y en aura bientôt plus. Allez, va bien. Plus d'hélium. Est-ce que vous avez dit ça à Melon Miel, quoi? Il n'y aura plus d'hélium, qu'est-ce que c'est ça? Non, mais c'est un fait. Il n'y aura plus d'hélium, mais ça se régénère pas, puis il n'y en a presque plus. On a surexploité... L'hélium, hein. Ben là, puis après ça, ils viennent ouvrir un Helium Party Room au Carrefour de Trois-Rivières. Mais il n'y en a plus d'hélium au bar à hélium. Il n'y en a plus. Non. Je suis jamais allé, mais ça avait l'air cool. C'était cool, mais il y a plus d'hélium. D'hélium, ouais. Eh bien, voilà. Voulez-vous, c'est comme ça. Ensuite, une technologie qui existe depuis très très longtemps, c'est le moteur à Stirling Engine. Ça a été inventé en 1816. C'était le rival, l'ennemi du moteur à vapeur. Ça utilisait les différences de température pour faire fonctionner un piston et ce qui faisait tourner une roue, ce qui faisait, tu sais, bon, pour différentes fonctionnalités. Donc, c'est sur le même principe qu'on a utilisé pour faire cet appareil USB qui va se servir de la chaleur ou de la froideur. Fraîcheur, voilà. D'une boisson pour recharger ton téléphone cellulaire. C'est cool. Wow! Donc, tu mets ton café là-dessus, c'est assez chaud, ça envoie du courant. J'aime l'idée, c'est sur Kickstarter, ça aussi. Présentement, ils ont réussi à amasser 125 000 $ et ils ont encore 23 jours à faire. Et donc, c'est sûr que ça va être un succès, cette affaire-là. C'est 115 $ 115! Je sais pas dire, c'est cool au bureau, sauf en même temps, au bureau, tout le monde a un ordinateur. Ouais, donc tu branches un truc USB, ouais. Mais 115 $ pour ça, ça n'a pas de sens. Les gens ont vraiment donné de l'argent pour ça. OK. Bref, ils voulaient ramasser 100 000 $ ils sont rendus à 128 000 en ce moment. Donc, bravo. Bravo. OK. Commentaire de plus, non? Si j'étais riche, j'en aurais deux. C'est ça. Apparemment, c'est beaucoup de riches, hein? Beaucoup de riches. Le prochain est mon préféré à moi cette semaine. Et à chaque semaine, il y a au moins un gadget que j'aimerais acheter moi-même. C'est une télécommande qui est sur ThingGeek en ce moment, ThingGeek.com, qui joue sur la Wii. La Wii U et l'Android, c'est une manette qui ressemble physiquement à une manette de Xbox, sauf qu'à l'intérieur, il y a une reproduction exacte d'une manette de Super Nintendo. Et ça fonctionne sur les consoles que j'ai dit tantôt, et aussi sur Android par Bluetooth. Ça s'appelle la Pro Controller, et ça combine une Wiimote, donc la manette sensorielle de la Wii, ainsi que la Wii Classic Controller, qui était la manette pour jouer aux jeux rétro. Donc, quand vous mettez la manette de côté... Si je comprends bien, c'est tout ça. En tout cas, ça va fonctionner comme une manette de Wii. Et quand vous la mettez sur l'autre côté, ça fonctionne comme une manette classique. Donc, jouer à toutes les sortes de jeux. Il n'y a comme pas de fin à ça. Ça, et, c'est cool. Ça fonctionne sur des piles rechargeables. Il y a joystick analogue, des triggers, les boutons épaules. Il y a des haut-parleurs et de la vibration à l'intérieur. Vous pouvez télécharger sur Android une application Wii Remote et la mettre en paire avec votre téléphone en utilisant Bluetooth. Et tout ça pour seulement 40 $. Ouais. Ah. Ce qui est le prix genre d'une manette de Xbox traditionnelle. Exactement. Et là, tu as tous les avantages. Même moins cher, disons-le. Fantastique. Donc, sur ThingGeek.com, sérieusement, je le recommande. Et tant qu'à acheter des trucs de jeux vidéo, c'est le Retro N4 Multi-System Console. C'est une console qui joue les jeux de Super Nintendo, de Genesis, de Nintendo Original et maintenant, une nouvelle version de Game Boy. Avec un port HDMI qui a été ajouté à cette version-là. Et tu peux te brancher sur ta télé et jouer à toutes ces consoles-là quand tu veux. Wow! C'est pas malade, ça? Mm-hmm. C'est malade. On sait pas encore le prix, mais le Retro N3, l'ancien modèle, coûtait 70 $, donc on peut s'attendre à peu près à la même chose. Mais pour vrai, si t'as des vieilles cassettes de jeux et que tu veux pas garder toutes tes consoles, c'est parfait. Ou qui sont juste pétées parce qu'ils sont trop vieilles. T'as trop joué avec. Génial, génial. Si vous allez à la plage cet été, là, c'est le moment d'acheter des trucs de plage là, parce que c'est moins cher. Non, c'est peut-être plus cher en ce moment. Ouais, c'est plus cher. C'est ça, d'accord. Ça vient, c'est pas que je magasine beaucoup. Oh. Donc, l'été est en tête pour tout le monde en ce moment. C'est ce qu'on a, c'est ce qu'on attend. Et donc, si vous allez à la plage, vous pouvez acheter la Lounge Pack Chair qui, lorsque pliée, parce que c'est une chaise pliable de plage, okay, lorsqu'elle est pliée, elle pèse 22 livres. Elle est pas tellement plus lourd qu'un sac de voyage. Mesure 32 pouces de largeur par 25 pouces d'épaisseur par 12 pouces de hauteur. Une fois qu'on la déplie, en 10 secondes, t'as un parasol, t'as deux gros coolers avec des trucs pour tenir tes verres ou même des bouteilles de vin. T'as un sac qu'on peut enlever pour traîner. Et le truc pour les jambes, pour s'accoter les jambes au bout, est enlevable, donc on peut vraiment se mettre les pieds dans le sable. C'est genre la chaise pliante Transformer. C'est l'inspecteur Gadchaise. Tu vois? Sur le genre? Non? Pourquoi après chaque gag que tu m'en regardes, c'est comme... Ah ouais? C'est pas un gag, je regarde pour voir si vous avez des choses à dire. Inspecteur Gadchaise. Ah, c'est le meilleur? Go Gadget au parasol. Et voilà. Mm-hmm. Bon, merci. Merci Jean-Philippe. C'est très dispendieux. J'ai pas vu. Oui, vraiment, 259 que je vois. Ah, ben oui. Ben, c'est ça, mais c'est de la versatilité. Ben là. Non, mais tu sais, parce que si tu vas avoir l'air hot l'été, ça te prend ça. Ouais. Ça te prend ça, pour être le nom de la chronique. Tu peux aussi juste apporter une serviette de plage, puis t'es foiré dans le sable. T'es cheap, cheap, cheap. lampe de poche maintenant avec une batte. Tu sais, quand, mettons, tu penses que t'as un intrus chez toi, tu veux le chercher, le trouver, puis il frappe un coup sur la tête. Pourquoi pas? Donc, ça a du sens, tout ça. C'est une lampe, une lampe de poche. 200 lumens avec fonction strobe. Donc, tu peux faire un party, si tu veux, avec ça. Tu peux y faire une crise d'épilepsie avant de le tabasser. Mais, moi, l'image que j'ai eue, c'est que, je veux dire, si la lumière est au bout du bat et que t'es en train de frapper quelqu'un, t'as la lumière qui fait juste comme s'en aller un peu partout et tu vois pas du tout ce que tu frappes. Non. T'as le chat qui essaye de suivre la lumière pendant qu'il se défend. Aux soirées cachées, le batteur pourrait utiliser ça. Ben oui, écoute, ça va faire tout un effet. Génial. Donc, ça coûte 30$. C'est pas cher pour frapper quelqu'un et l'illuminer. Je sais pas, peut-être que tu peux faire comme dans Luigi's Mansion, là, quand avec les fantômes, et qu'il fallait que tu les surprennes en mettant ta lampe de poche derrière face. Ah oui, ben oui. Puis arrêter de bouger. Plus, tu pouvais aspirer. Hey, le nouveau Luigi's Mansion sort le 24 mars sur la 3DS. Oh. Oh. J'attends rien que ça. Et pour terminer, si vous voulez sentir le zombie. Ben oui. Hein, c'est de la fragrance parfum Zombie for Him et Zombie for Her. Évidemment, ça sent pas le corps mort, là, j'espère que non, ou les champignons, je sais pas ce qui peut pousser sur un zombie. Mais bref, ils ont créé une version homme et une version femme. Il y a aussi une version pour homme, mais moins fragrante, genre qui sent moins fort, avec une petite touche de féminité, féminitude, féminitiationnisme. Juste un peu moins mort. Un petit peu moins mort. Donc, allons voir les prix de ça pour ces parfums de zombies. Ça coûte 20$ pour la version de 1 once et 4 onces pour 40$. Y'a-tu juste moi qui trouve que la fille zombie a l'air d'une tête à claque? Ah. Non? Moi, je sais pas. Les yeux, la bouche là, qui sortent okay, un peu du cadre. Je vous suppose très réaliste. Là. Ça a l'air d'un vrai zombie. Là. Non. Voilà. Mais quand tu sens ça, les gens pensent que tu ressembles à ça. Ah. Faut pas que tu montres la bouteille à personne. Non. Voilà pour ça existe, mais ça ne devrait pas. Là. Dans quelques minutes, on revient avec Stéphanie Paradis. Oui. Et la chronique du Zone Campus. Zone Campus. On parlait de hockey, entre autres, c'est ce qu'il y a en couverture. Et puis, ça, pour l'instant, mais on prend une pause. Commentaires. Suggestions. Insultes. C'est fou. Des extrêmes. Ça nous anime. C'est F O U 89 1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées. Assemblage requis. 7h36, Jean-Philippe Charbonneau. Oui, Mathieu Plante. Mm-hmm, Stéphanie Paradis. Ouh. OK. Mm-hmm. Pourquoi est-ce que t'es excité comme ça, tu penses? Ben là, c'est le Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. Stéphanie Paradis, la Miss Fouette. Miss Fouette. C'est comme ça qu'on t'appelle, dorénavant. Donc, t'es là pour nous parler du plus récent Zone Campus, qui est en kiosque du 18 au 31 mars 2013. C'est le volume 8, numéro 14. Tout dans un souffle. Tout à l'heure, on fera la une, parce qu'elle est en sport, donc on va commencer par les actualités. Ouais, faisons ça. Très logiquement, on termine avec la une. Ah, tu m'as souligné ça en mauve, toi. T'aimes ça, le mauve? C'est beau. Calier, là. C'est beau, le mauve. On commence avec Nadia Ghazali. Oui, donc la chaire de recherche de Nadia Ghazali. Donc, elle avait été accusée d'avoir reçu des traitements de faveur pour sa chaire de recherche. Donc, il y a un point de presse qui s'est tenu le 4 mars dernier pour démentir ces allégations. Donc, vous pourrez connaître ces démentissements. Ça existe-t-il, oui, ce mot-là? Oui, je sais pas. Démangeaison. Goldburn! Oui! Non, évidemment, on suit le dossier, puis on va parler dans les numéros à venir aussi. Là, il va tout y avoir des développements là-dessus sur Nadia Ghazali. On parle juste de ça. Il y a eu un point de presse hier par rapport à ça. Donc, oui. Ouais. Ensuite, l'École internationale de français cherche des familles d'accueil. Oui, donc l'École internationale de français de l'Université du Québec à Trois-Rivières reçoit chaque année plus de 1000 étudiants voulant apprendre le français. Donc, ces personnes doivent, pour leur séjour, retrouver un endroit où être accueillies. Donc, c'est possible de contacter le IF pour accueillir des étudiants et partager la culture québécoise avec eux. Life. Merveilleux. Life. Ensuite, la campagne électorale de la GEQTR. Qui bat son plein présentement. It's batting its plein. Donc, vous pourrez savoir comment se dérouleront les élections. Et vous avez aussi les candidats qui sont présentés dans le journal, donc avec les postes pour lesquels il candidate. Tout à fait. On dirait, c'est quoi la sitcom, là? Partridge Family, c'était ça? Non, c'est pas Partridge Family. Tu sais, il y avait des cases, 9 cases, là. Puis il se pointait, puis il se regardait. Ah, fait... oui! Ha ha! Oh, drôle! C'était vraiment drôle. On dirait ça, le montage. Et puis, il y a aussi un chercher l'intrus. Oui. Dans le montage. Chercher l'intrus qui n'a pas le même fond que les autres. C'est drôle. Ensuite, toujours à l'actualité, Imaginarium, un colloque riche en contenu. Donc, oui, Isabelle Boucher, Annie Brien et Karine Savard sont 3 membres au sein d'un projet d'intervention communautaire, donc un PICOM de l'UQTR. Donc, on nous parle de leur travail dans l'organisation du colloque Imaginarium. Et on vous présente aussi la nature de ce colloque. Cinq jours pour l'itinérance qui avait lieu au milieu du mois de mars. Oui, dans la peau d'un itinérant. Donc, vous avez peut-être croisé des étudiants qui ont vécu comme des itinérants pendant 5 jours. Donc, ils dormaient proche des cubes à l'entrée de l'université. Donc, on nous expose pourquoi ils ont posé ce geste. Et ainsi qu'un petit bilan de l'événement et l'argent qu'ils ont amassé. Pour qui? Pourquoi? À voir. Ensuite, dans son texte d'opinion en pleine face, Simon Fitzbé titre « L'institution démocratique ». Oui, donc Simon Fitzbé qui nous parle bien sûr un peu des élections, mais aussi de la déconnexion entre étudiants et vie étudiante, ainsi qu'une démocratie repensée. Chronique Game Over maintenant, la chronique technologique de Michael Da Silva. Oui, donc c'est la 2e partie d'une nouvelle rumeur sur les consoles de la prochaine génération. Donc, les dernières infos sur les nouvelles consoles de Sony et de Microsoft. Intervention en déficience intellectuelle, une synergie aide grandement le processus. Oui, donc, c'est Danny Lucier Desrochers, professeur au département de psychoéducation à l'UQTR, qui travaille sur un projet pilote visant à instaurer correctement les technologies de soutien à l'intervention dans les centres de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement. Il y a une nouvelle clinique de kinésiologie à l'UQTR. De kinésiologie. Il y a un trait d'union là-dedans. C'est ça. Oui, donc, c'est une nouvelle clinique pour l'UQTR. Le 14 mars dernier, l'UQTR a inauguré cette nouvelle clinique. On nous parle de l'apprentissage des étudiants de premier et deuxième cycle qui y offrent leurs services, ainsi que la variété de ces services. En société maintenant, on a 2 chroniques. Celle de Jean-François Veilleux, Je me souviens au pouvoir citoyen. Oui, Francophonie et indépendance du Québec. Donc, le 20 mars prochain, c'est quand? Oui, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui? C'est hier. On est le 20. On est le 20. Ben oui. Donc, aujourd'hui, c'est la Journée internationale de la francophonie. On est-tu mêlés, tu penses? Les dates, moi, là. Ouais, même chose. Donc, allez aujourd'hui, parce que ça parle d'aujourd'hui, dans le passé. C'est quand, ça? ensuite, dans sa chronique Anthropologie moderne, Stéphanie Gladu dit « Made in China ». Made in China! Donc, la chronique ouvre avec une citation d'Umberto Eco qui donne le ton du texte et ça va comme suit. « L'être humain est une créature proprement extraordinaire. Il a découvert le feu, bâti des villes, écrit de magnifiques poèmes, donné des interprétations du monde, inventé des images mythologiques, etc. Mais en même temps, il n'a pas cessé de faire la guerre à ses semblables, de se tromper, de détruire son environnement, etc. La balance entre la haute vertu intellectuelle et la basse connerie donne un résultat à peu près neutre. » Y a toujours le fantasque, évidemment. Bien entendu, avec Hubert Sanson. On fera art et spectacle et sport juste après une pièce de Chantal Archambault. Quelle bonne idée. Les détours. Effacer les repères façonnés par nos corps. Brûler les étapes. Wanted. Entre Archambault et les détours à Assemblage requis. On est toujours avec Stéphanie Paradis et la chronique du Zone Campus. Zone Campus. Et on était rendu en art et spectacle. Art et spectacle. Tu vas répéter tout ce que je veux dire? Oui. Et on commence avec la Ligue universitaire d'improvisation qui perd en finale contre la Ludique. Oui, donc Coupe universitaire d'improvisation, 1er, 2 et 3 mars dernier, se tenait au pavillon Néry-Beauchemin, la 26e édition de la QI. Donc, après une finale serrée, c'est finalement la Ludique de l'Université de Montréal qui a remporté le trophée dans la grande métropole. Ah ben, c'est triste. Mais bon, ils sont bons pareil. Mais c'est eux qui ont organisé la QI, les gens de la Lutte cette année. Donc, félicitations à eux. Sorti CD maintenant, troisième album de Jean-Philippe, mais pas Jean-Philippe Charbonneau, parce que lui, il chante pas. Non. Ben, il essaye, mais... À votre plus grand bonheur. Chante-nous une chanson, Jean-Philippe. Sur notre chanson thème de Zone Campus. Le gars qui s'est stationné derrière moi. on va raconter ton anecdote tantôt. D'un gars qui s'est stationné derrière Jean-Philippe, ça va être même bien drôle tantôt. Pas le choix. Je vais faire un avis de recherche, une chasse à l'homme. Donc, troisième album pour Jean-Philippe qui sort, qui s'appelle « Saigne mon cœur, volume 3 ». Oui, donc on vous parle bien entendu de son style, mais aussi de ses inspirations et de ses projets. Bill Tellier, t'es allé le voir en spectacle, l'humoriste. Oui, juste pour vous. Je suis allée voir Billy Tellier en spectacle. Donc, Billy Tellier a un humour bonbon. Donc, c'est pas ce que tu dis dans la citation, dans le milieu de ton article. Oui, c'est en fait, c'est un grand contraste. Parce qu'on a l'impression que tout est rose bonbon, tout est naïf, mais il y a énormément de jokes de pénis. C'est un humour très phallique, mais ça reste léger et ça peut passer. Il pourrait dire n'importe quoi et ça reste inoffensif. Donc, c'est fantastique. Bon, ben, Billy Tellier, on a une fan en studio. Oui, et son spectacle, La loi du plus fort. Super. Les Mardis de la Relève au Gambrinus, un départ canon. Oui, donc, départ canon pour les Mardis de la Relève. Donc, si vous voulez connaître les groupes qui ont performé, l'ambiance, le jury, cet article est pour vous. Et c'est à suivre aussi dans les prochaines éditions du Zone Campus. On va suivre les Mardis de la Relève. Donc, vous pourrez suivre ça en presque direct dans le journal. Avec juste une semaine de délai. Donc, il nous reste deux numéros du Zone Campus après celui-là. Seulement deux numéros. Ça va vite! Mm-hmm. Dans ses critiques musicales, Maxime Tanguay parle de l'album Amok de Adams for Peace. Ça, c'est le groupe avec Tom York de Radiohead, Flea de Red Hot Chili Peppers et Nigel Godrich. Et puis aussi, il nous parle de The Raven That Refused to Sing and Other Stories de Stephen Wilson. Très productif, Stephen Wilson. Donc, c'est dans la chronique critique musicale. Toujours en art et spectacle, on a une grosse section art et spectacle comparée aux deux autres sections, je trouve, on dirait. Oui, c'est une bonne nouvelle parce qu'en fait, on a de la place pour vous montrer ce dont on parle. Des photos. Ouais. C'est ça. Donc, Fanny Bloom au Soirée cachée, c'est fou, et le prochain article. Intimité, coquetterie avec Fanny Bloom. Donc, cet article est à lire si vous voulez encore plus regretter de ne pas être venu aux Soirées cachées. Parle-moi-en pas! Donc, ensuite, on termine avec deux expositions, donc deux articles sur les nouvelles expositions du musée Pierre Boucher et le centre culturel Pauline Julien. Dans le premier, on vous parle du vibrationnisme de François Fauché et dans le deuxième, des couleurs de Madeleine Caron. Ça a l'air bon, c'est beau. Ça a l'air bon. C'est coloré. Tu vas prendre une bouchée de leur... De leurs œuvres d'art. Si on fait faire un journal mangeable, là, je mangerais ces deux œuvres d'art. Là. On passe en sport. Eh oui, avec moi, puisque tu veux plus les faire. On fait un test, puis il fallait le dire. On va essayer de se faire un échange, parce que sinon, Jean-Philippe, j'ai l'impression qu'il parle pas. Non, oh, ben oui. Ben écoute, en sport, pour le soccer féminin. Oui, ben en fait. Ça commence très bien. Non, mais là, c'est parce qu'il y a des flèches, je comprends rien, moi. Commencer par un bar, puis finir par l'autre, je pense. Ah, OK. Mais je me suis dit, ah, peut-être qu'il fallait plus que je parle de lui, juste du masculin. Je pense qu'avec les flèches, moi non plus, j'aurais pas su où m'en aller, fait que je te comprends là-dedans. C'était soit clair, s'il te plaît. J'ai oublié de vous faire des légendes. Il y a une flèche, on sait pas ce qu'elle veut dire. Ça fait un moment cocasse, on aime ça. On a une page de soccer, tout simplement, donc féminin et masculin. Les flèches, c'est pour dire que je parle des deux articles en même temps. Ah, OK. Il y a eu du soccer féminin et masculin. C'est fou, hein? Incroyable. Donc, oui, on a un bilan des séries en soccer féminin et masculin. Donc, avec les femmes qui ont été éliminées dès le début et les hommes qui ont manqué la finale de peu. Et en volleyball, les Pats sont victorieuses. OK, yes! Donc, les 16 et 17 mars dernier, l'équipe trifluvienne de volleyball s'est offert rien de moins qu'un second titre de championne provinciale en 2 ans. Donc, félicitations aux Pats volleyball. Et puis, Philippe Doucet nous parle de « On va se le dire, là ». Ouais, on va se le dire, là. Ce fut une belle année. Donc, Philippe Doucet qui nous fait son bilan personnel de des séries au hockey et nous met l'eau à la bouche avec le golf qui s'en vient. Il y a également la chronique « D'une foule à l'autre » de Maxime Bilodeau. Ça ne me gêne pas pantoute, guillemets, guillemets. Donc, il nous parle de Blaise Dubois, physiothérapeute du sport et fondateur de la clinique du coureur, qui a prononcé une conférence sur la course à pied, son champ d'expertise. Donc, parmi les sujets abordés, il a été amplement question de chaussures de jogging et plus précisément des avantages et bénéfices de la chaussure dite « minimaliste ». Finalement, en hockey, j'imagine qu'on va parler également de la fin du parcours de la Coupe Université. Oui, c'est... si j'en comprends bien la logique des flèches. Écoute, je me souviens pas trop quelle flèche que j'ai faite là. Ben, les Pats ont gagné la Coupe Queens. Oui, donc bref, en hockey, on parle premièrement des Pats qui ont gagné effectivement la Coupe Queens et qui sont ainsi entrés dans les séries par où? La Grande Porte! La Grande Porte! Merci, yeah. Mathieu! Et finalement, donc, malheureusement, ils se sont inclinés face à l'Université du Nouveau-Brunswick en demi-finale. Donc, on a un bilan du tournoi ainsi que les honneurs attribués aux joueurs et aussi la perte de certains joueurs importants qui doivent malheureusement quitter l'équipe lorsqu'à un moment donné, ils finissent leurs études exact. Ou sont repêchés dans d'autres ligues, etc. Exactement. La Porte, c'est l'ancien nom, c'est toujours son nom, l'ancien nom du coach des Patriotes avant, c'est La Porte. Fait qu'il est rentré par la Grande Porte, c'est comme... Ah, ça fait un peu bizarre, un peu. Ouais. Ouais. Mais bon, ça fait un peu McGill. Un peu. Oh, MCG, là. Donc, Patriot Hockey, la Grande Porte vers les séries, c'est ce que vous allez retrouver en une de votre plus récente zone campus jusqu'au 31 mars, volume 8, numéro 14. Et c'est en kiosque sur le campus du QTR. Dans des commerces un petit peu partout à Trois-Rivières, de plus en plus. Hein? Mmh. Et aussi sur zonecampus.ca, vous pouvez partager, commenter, liker, tweeter sur votre Twitter chacun des articles. On peut-tu Pinterester? Malheureusement, on peut pas Pinterester. Honnêtement, l'affaire de Pinterest, tout le monde en dirait sur Pinterest, mais personne n'y va. Faut juste que tu aies un compte pour être à la mode, non? Aux États-Unis, tout le monde y va, mais au Québec, c'est pas encore là. On peut attendre encore avant d'avoir une page Pinterest, non? En tout cas, les soirées cachées, c'est fou. Oh, une page j'ai vu Pinterest. Ça. J'ai vu yes. ça. L'UQTR a une page Pinterest, mais tu sais, est-ce qu'il y a tout le monde qui... Bon. Tu mets quoi dessus? Ah, ce qui t'intéresse? Des photos du campus? Je trouve ça tellement plus intéressant, Twitter, que ça. Mais bon, en même temps, on disait ça de Twitter, là, 3-4 ans au Québec, en disant, tu sais, parce qu'on était déjà en retard, là, 3-4 ans. Twitter, ça ne servira jamais à rien, nanana, puis me lève là-dessus à tous les jours en train d'obséder parce que j'ai manqué des messages. Non! Fait que, hein? Bon, qu'est-ce que j'en sais? Je connais rien. Zonecampus.ca est encore une fois l'adresse du site web et Stéphanie Paradis, la rédactrice en chef. Merci beaucoup. De rien. Puis on va faire ça chaque 2 semaines, comme toujours. Et puis, on va maintenant s'échanger les sections Jean-Philippe et moi, parce que t'as bien fait ça, quand même. Pas popé. À ça que je comprends le concept. Le concept ouais. est tellement difficile. Je vais faire une légende la prochaine fois, en début de journal. Ben là, Steph, sois clair. Voyons, non. Les flèches, là. Mais ben là, à ce temps, je sais à quoi ils servent. Là. C'était juste... Tu sais, c'est comme quand t'arrives dans un nouveau tableau de Mario, tu sais, tu comprends pas vraiment ce qu'il faut oui, faire. Oui, oui. Bah, tu te plantes une fois, puis après ça, tu comprends. C'est fait. Oui, t'as bien raison. on s'en retourne en musique à entendre The Vaccines et leur nouvelle pièce qui date de la semaine passée, c'est Teenage Icon. Puis après ça, on va revenir avec, entre autres, les élections de la GEQTR. Et beaucoup plus à son âge. We'll be right back. Vaccines et Teenage Icon. C'est une excellente pièce. Elle est en 20e place du palmarès anglophone. Toujours à Assemblage Requis avec Stéphanie Paradis. Oh oh! Jean-Philippe Charbonneau, mon co-animateur. Ho ho! Mathieu Plante, c'est moi. Ho ho. On va terminer l'heure ici parce que ce qui s'en vient, c'est les élections de la GQTR. On va en parler avec quatre candidats dans quelques minutes. Je vous les nomme même pas. Oh oh! Surprise, surprise! Il y en a un quatrième que je sais pas c'est qui, puis si j'en nomme juste trois, ça va faire bizarre. Hein? Ouais! Bon. Donc, on leur parle tout à l'heure. Et puis aussi, on va avoir la chronique XXITime. Oui, que je vais devoir rater. Ouais, c'est ça. J'aime pas ça rater cette chronique-là. Mais est-ce que tu penses qu'on peut conserver un petit 2-3 minutes pour ton anecdote d'auto? Là? Ben oui. Peut-être, on va voir. J'espère. Faut que je sois parti à maximum et 20. Maximum et 20. Là, là. Et Colin, ben sinon, écoute, lundi, on servira. Ah non, mardi, je suis pas là. Non, mardi, je servirai du réchauffé. On va commencer la deuxième heure avec ça. Pour l'instant, on écoute l'Info Campus. Restez là. C'est fou. Les extrêmes. Ça nous anime. C'est F O U 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage Requis. Vous êtes toujours à Assemblage Requis en ce mercredi 20 mars 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Oui, Jean-Philippe, qui a tellement d'anecdotes et qu'on espère avoir du temps pour les raconter tantôt. Ah oui, mais c'est sûr qu'on la compte. Peu importe c'est quand dans la vie, on va la compter. Parfait, parfait. On va commencer par contre cette deuxième heure avec quelque chose de bien important. C'est les élections de la GQTR qui s'en viennent, en fait, qui battent leur plein là. C'est là. C'est là que ça se passe et on reçoit pour commencer deux invités. On va commencer par le premier, Jean-René Leblanc-Gadoury qui se présente au poste de vice-président aux affaires sociopolitiques. Bon matin à toi. Bon matin. Ça va bien? Très bien, toi-même? Ben oui, merci beaucoup d'être avec nous. Et c'est Jean-Philippe qui va commencer les questions. Oui, c'est moi qui starte ça aujourd'hui. Donc, quel est ton domaine d'études et depuis combien de temps? Je suis actuellement en psychologie et c'est ma deuxième année actuellement que j'étudie là-dedans. Mais j'étudie en plein d'autres choses là-dedans. Parfait. Pouvez-vous nous faire une brève description du poste pour lequel vous vous présentez? Mon Dieu, sociopolitique, brève description, ça va être difficile. Il y a beaucoup de choses que ça inclut quand même. Mais je crois qu'en général, le poste de vice-président aux affaires sociopolitiques, ça va être majoritairement de m'occuper de tout ce qui se passe à l'extérieur du campus. Donc, politique autant municipale, autant fédérale, autant provinciale, et de ramener cette information-là aux étudiants pour ce qui les touche. Parfait. Quelles sont tes expériences pertinentes pour le poste convoité? J'ai participé à la campagne provinciale pour le Parti Québec solidaire. Oui, j'avais un parti pris, je suis désolé. T'as le droit. C'est ça, j'ai été responsable des militants pour toute la Mauricie, en fait. Aussi pour le mousquet du mouvement étudiant, ça fait depuis 2004 que je m'implique dans les associations étudiantes. Donc, j'ai toujours participé au mouvement étudiant dans ma vie. Quels seront tes projets importants si t'es élu? C'est sûr que mon but, c'est de ramener beaucoup d'informations directement sur le campus. Fait que ce que j'aimerais, c'est soit essayer de faire des soirées politiques où est-ce qu'on peut venir discuter ensemble de politique, aller directement faire peut-être ramener des déjeuners sociopolitiques qu'il y avait à l'époque pour aller discuter directement avec la population étudiante. Je pense que c'est ça qui est vraiment important. Le monde ne soit pas assez informé, donc c'est vers là-dessus que je vais essayer de me concentrer. Excellent. Et que représente l'AGE-UQTR pour toi? Que représente l'AGE-UQTR, c'est... Moi, je pense que c'est un pilier de défense pour les étudiants. La GQTR, c'est une association étudiante qui a un certain pouvoir qu'on n'aurait pas si ça n'existait pas. Tous individuellement, on n'est pas vraiment de voix au niveau de l'administration, mais je pense qu'ensemble, on est capable d'en avoir une. Donc, je pense que c'est majoritairement ça. Parfait. Quels sont les enjeux importants de la GQTR en général pour l'année à venir, pas nécessairement avec juste ton poste, mais en général pour la GQTR? En général, pour la GE, mais pour mon poste, je vais le dire tout de suite, je pense que c'est la gouvernance des universités qui est en jeu beaucoup ces temps-ci. Dans le dernier sommet des sommets d'éducation, justement, il y a eu une loi qui a passé pour revoir la gouvernance et donc ramener plus de personnes du niveau socio-économique dans les administrations des universités. Je pense que ça touche pas juste mon poste, mais tous les enjeux, parce que si c'est juste les banques qui décident pour les universités, ça va devenir complètement ridicule. Excellent. Et pour terminer, est-ce que tu aurais un dernier mot, une pensée, un slogan, quelque chose que tu voudrais dire? Sur ma page internet, pour ce qui est des slogans, on m'a proposé de ramener le pouvoir au barbu à la GUQTR. Je suis pas sûr que je vais y aller pour ça, mais je pense que je vais y aller pour ramener la politique aux étudiants, disons-le comme ça. Excellent. Merci beaucoup. Barbu QTR. Oui, merci. Donc, prochain candidat qu'on soit, c'est Michael Mani, qui se présente comme vice-président à la vie associative et à l'environnement. Bonjour à toi. Hein? Bon matin, même si c'est pas français. Ou non, c'est ça, il faut dire bonjour. Ouais, bonjour. Non, c'est bonjour vrai. Ou bonsoir, mais pas rien. C'est rien pas la première fois qu'on me le dit, en effet. Je trouve ça tellement beau, bon matin, mais c'est vrai. Ouais, mais l'usage fait la langue, fait que c'est pas grave. Tu vois, on va dire, puis ça va finir par être acquis. Mais c'est bien dit. Donc, Michael Mani, première question. Quel est ton domaine d'études et depuis combien de temps? Je suis en philosophie et je commence ma 4e année parce que, bon, mon parcours est tordu comme il en arrive. Mais c'est ça, 4e année de bac en philo. Et puis, peux-tu nous faire une brève description du poste pour lequel tu te présentes? Yep. Dans le temps, on appelait ça VP interne. Je trouvais le mot plus clair, étonnamment, que vie associative et environnement, mais au moins vie associative, les responsabilités sont plus claires. L'AGE-QTR donne des bourses, il y en a qui ne le savaient pas, aux associations niveau 2, qui sont les associations de programme, entre autres, puis aux associations niveau 3 même. Hein. Il y a un caucus de femmes, je pense, qui existe. Dans le temps, il y avait un club de jeux de société aussi qui était une association niveau 3. Maintenant, c'est juste les gens de Matinfo qui se réunissent, mais peut-être, en fait, ils pourraient gagner, ils pourraient avoir des bourses du fait de devenir des associations. On s'occupe, le VP, pardonnez-moi, interne, pour raccourcir, s'occupe d'accorder des subventions aux projets de chacune des associations, de la bonne cohésion entre les associations. S'il peut avoir un partenariat, tant mieux. Il y a des journaux étudiants, si on donne des bourses pour ça. Il faut juger de la qualité du français des journaux, c'est la job du VP interne. Ça dit bon matin, désolé, pas de prix. Oh! Non, on sera pas nazi du français non plus, quand même. Mais et à l'environnement, mais en fait, c'est en ce moment, on a besoin d'une politique de développement durable à l'OGE. Fait que c'est de voir à ce que les choses se fassent le plus vert possible. Mm-hmm. Quelles sont tes expériences pertinentes pour le poste? Ben, je me suis impliqué, en fait, bon, dans le mouvement étudiant, on le sait, là, même si ça peut peut-être me nuire auprès des anciens carrés verts. Je me suis impliqué dans plusieurs comités. J'ai été administrateur pour le département de philo pendant 5 mois, je crois, 4 ou 5 mois cet été. Je me suis impliqué à l'intérieur de mon association de philo, là, EDP. J'écris dans les journaux, j'écris dans un campus. Donc, je connais l'AGE. Je connais énormément de gens de beaucoup d'associations différentes. J'ai des amis dans toutes les associations. Donc, ben, mes expériences, mon vécu, c'est que je suis un ancien travailleur social avant de rentrer en philosophie. Fait que ça aussi, ça peut peut-être m'aider de dire j'ai une tolérance envers les fautes des autres. Et j'espère que les gens ont aussi une tolérance envers mes petites erreurs. Mais voilà, c'est ça mon bagage pour le poste. Super. Et quels sont tes projets importants si tu es élu? Je trouve, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, je trouve qu'un CA de 30 personnes qui discute pendant 9 heures de dossiers très chauds, à grands coups de café, ça se termine tard. Des fois, ça peut passer rapidement sur des dossiers parce que c'est fatigueux. C'est le dimanche, ça a de la misère à se réunir, on a de la difficulté à atteindre le quorum. C'est un problème, faut revoir ça. Et je pense, puis ça, il y en a qui m'aiment pas beaucoup quand je dis ça, parce qu'ils disent, ben là, c'est aux étudiants de s'impliquer, c'est pas à nous de t'en forcer. Tu sais, oui, en fait, il faut que le chemin se fasse dans les deux sens. Mais avoir un quorum, quand on fait un objet, avoir un quorum de 60 personnes, tenir logé dans un local de capacité de 700 personnes puis prendre des décisions pour 10 ou 12 000 personnes, c'est un peu ridicule. Fait que c'est de... Mon mandat, ça serait de donner plus de pouvoir autonome aux associations niveau 2. Parfait. Que représente la GUQTR pour toi? C'est... ben, je pense que Jean-René a archi bien résumé le point, mais... Ça va être un peu redondant, mais c'est le but de la question. Ouais, comment ben, vous différenciez? la nuance que j'apporterais dans ce cas-là, c'est... ben, c'est le même principe qu'un État, en fait, c'est un pot commun. Tout le monde met de l'argent là-dessus, puis ensuite, par la politique, on décide de ce qu'on fait avec cet argent-là, puis on le redistribue d'une manière ou d'une autre, faite démocratiquement. L'OGE, faut pas oublier, l'OGE, c'est la chasse-galerie. C'est le son de campus, ben, en fait. Pas non. Ouais, c'est ça. Oui, puis non. C'est dans l'OGE, mais c'est ça. C'est proche. Effectivement, c'est indépendant si l'OGE est dissoute. Ouais, voilà. Fait que, et il faut aussi, c'est ça, sont nécessaires ces liens-là. Fait que l'OGE, c'est à peu près tout ce qu'on a de bon sur le campus, parce que sinon, l'université, ce serait aller à ses cours, puis c'est poche. Ça fait une vie universitaire morte. Et quels sont les enjeux importants, en fait, en général, à la GUQTR pour l'année qui s'en vient? Ah, ben, comme j'ai dit tantôt, la structure, surtout. Le pavillon, qui, youpi, on l'a, il était temps, on a failli ne pas l'avoir d'ailleurs. Pour ceux que ça intéresse, mais c'est de le rendre le plus vert possible. Il y en a qui trouvent que bon, le développement durable n'a pas été respecté dans sa construction avec les matériaux, etc., etc. Il va être tel qu'il va être. Puis c'est à ce moment-là qu'on a, si on veut faire pousser des plantes grimpantes sur un mur, puis que c'est possible, c'est faisable, on va s'informer de savoir si c'est faisable, on le fera. Un toit vert peut-être. Voilà. Ça. Okay. C'est, si on veut planter de la pelouse sur le toit à gauche, si on veut avoir un panneau solaire pour fournir l'électricité de cafetière, go. Mais on veut des idées, puis on va le rendre le plus vert possible, tel qu'il est. Parfait. Dernier mot, pensée, chose, slogan, n'importe quoi, chose à retenir. Je remercie Farid Borel de m'avoir lâché cette phrase qui était de Chirac, je crois, mais lui, il dit que c'est encore plus vieux que ça. C'est occupez-vous de la politique si vous ne voulez pas que la politique s'occupe de vous. Vrai. Fait que, mêlez-vous-en. Il y en a qui prétendent que oh, c'est toute une petite clique, l'OGEQTR. Ben, si vous en êtes convaincu, pointez-vous avec votre clique, vous en avez du pouvoir. Exactement. Michael Mani, candidat à la vice-présidence à la vie associative et à l'environnement, ou VP interne. Ouais. Pour les élections de la GEQTR, merci beaucoup. Pour les intimes. Pour les intimes. Dans quelques minutes, on recevra Mathilde Loisel-Davidson et Alex Brisebois-Proux. Mais pour l'instant, on écoute Rouge Pompier. Voici un paquet de choses à Assemblage requis sur ces fous. La route est longue. Pompier, paquet de choses. Et une tête qui se dandine. Oui, ben on aime ça, c'est cette musique-là. De la bonne musique sur une bonne cassette. Une bonne cassette. Donc oui, c'est ça, on se dandinait sur de la bonne musique et maintenant on va se dandiner en entendant les paroles sages et pertinentes des candidats aux élections de la GEQTR. Et on reçoit pour commencer Mathilde Loisel-Davidson, candidat à la vice-présidence aux affaires académiques de premier cycle. Donc, je me lance. Quel est ton domaine d'études et depuis combien de temps? Je fais présentement un baccalauréat en enseignement secondaire et un baccalauréat en mathématiques. Donc, j'en fais deux en même temps et c'est ma quatrième année à l'université. C'est beaucoup de travail en même temps, ça. peux-tu nous faire une brève description du poste pour lequel tu te présentes? Oui, c'est la vice-présidence aux affaires académiques de premier cycle. C'est sûr que ça touche plus les étudiants baccalauréat, mais c'est vraiment... tout ce qui concerne finalement les règlements de l'UQTR, les montrer aux étudiants, leur faire comprendre les choses, puis il y a aussi tout l'aspect académique. Donc, il y a plusieurs choses qui se passent dans le système d'éducation. Donc, s'intéresser à ça, que ce soit des cours en ligne ou que ce soit des principes pour améliorer nos conditions d'études. Donc, c'est un mélange de tout ça. On peut retenir éducation académique, problème dans les cours. Je pense que c'est ça qui ressort de ce poste-là. Excellent. Et quelles sont tes expériences pertinentes pour le poste convoité? Ça fait maintenant 3 ans que je suis au sein de la GEQTR, donc soit sur le conseil d'administration, soit sur le conseil exécutif. Puis je pense que j'ai appris en gros, c'était quoi la GE, puis un peu comment ça fonctionnait. Donc, je pense que je vais être à l'aise pour la prochaine année. Mm-hmm. Quels seront tes projets importants si tu es élu? Si j'ai élu, je pense que j'ai axé vraiment sur deux volets. Informer les étudiants, donc j'aimerais créer un bureau académique pour les informer des règlements, des procédures à suivre quand ils ont des litiges avec des professeurs ou quelque chose comme ça. Et un deuxième volet, plus recherche, donc axé sur les recherches. On a des campus satellites qui se développent de plus en plus, comme le campus de Drummond. Est-ce que c'est pertinent, des choses comme ça? Donc, axé sur les recherches pour savoir, finalement, pour aider notre éducation. Excellent. Et est-ce que tu peux nous dire que représente l'AGE UQTR pour toi? Je pense que c'est la question la plus difficile. Ouais. Je peux le dire pour moi, mais ça sera jamais la même réponse pour les 10 000 étudiants parce que tout le monde a une vision différente. Pour moi, ça a été l'expérience de m'impliquer. Ça a fait le changement dans ma formation universitaire. C'est l'aspect qui m'a permis de me développer sur le point de vue personnel. Donc, c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi, cette association-là. Puis, elle a du potentiel. Puis, c'est la place pour dire ses idées, pour développer des services. Donc, c'est une porte ouverte à tous les étudiants, finalement. Ouais. Quels sont les enjeux importants de la GEQTR en général pour l'année à venir? Pas nécessairement juste pour ton poste, ça peut aussi l'être, mais... Je pense qu'on a beaucoup de projets sur la table présentement. Il y a un agrandissement de la chasse-galerie. Il y a le pavillon qui est en train de se construire. On le voit dehors. Donc il va l'entend. On l'entend. Il va falloir occuper ces locaux-là un jour, faire un party d'inauguration. On voit que ce dossier-là touche quand même beaucoup d'officiers. Puis sinon, il y a tout le point de vue politique. Il y a des élections municipales qui s'en viennent. Il va falloir se débarquer dans la région. Donc, il y a tout ça qui s'en vient. Il va falloir porter attention. Et puis, en terminant, un dernier mot, une pensée, un slogan, quelque chose que tu aimerais qu'on retienne de toi. Venez me voir, venez me poser vos idées, me donner vos idées, me poser des questions, ça va me faire plaisir de répondre. Puis, je vais être toujours là à vous écouter s'il y a quelque chose. Merveilleux. Excellent. Mathilde Loisel-Davidson, candidate à la vice-présidence aux affaires académiques de premier cycle. J'ai pas commencé l'entrevue en disant « Bonjour, ça va bien? » Fait que je te le pose maintenant. « Bonjour, ça va bien? » Ça va très bien. Good! On passe au prochain candidat. C'est Alex Brisebois-Prou. Bon matin, ça va bien? Oui, ça va très bien, toi? Disons que j'ai oublié de nous demander tantôt, c'est plate. Oui, ça va très bien, merci. Candidat à la vice-présidence aux communications. Et c'est moi qui vais commencer ce coup-ci. Quel est ton domaine d'études et depuis combien de temps? Je suis à ma deuxième année au baccalauréat en éducation physique à l'enseignement. Et ça, depuis ce temps-là, je suis investi dans mon association, qui est la SAP. Et je suis vice-président. Donc, pour moi, l'âge UQTR, c'est vraiment important. C'est une suite logique à mon implication depuis 2 ans déjà. Super. Est-ce que tu peux nous faire une brève description du poste pour lequel tu te présentes? Justement, le poste de VP communication, je vous dirais que c'est très majeur parce que aussi ça peut aider tous les autres postes. Quand on a une idée à véhiculer, il faut passer par la communication. C'est sûr, la bouche à oreille, c'est bien, mais lorsqu'on peut utiliser les affichages, tous les moyens utiles pour la communication, il faut les prendre. Et quand on a une association de 10 000 étudiants, il faut rejoindre les personnes le plus possible parce que rejoindre 10 000 personnes en même temps, c'est tout un défi puis ça se fait pas en cliquant des doigts. En effet. Quelles sont tes expériences pertinentes pour le poste convoité? Mes expériences, depuis que je suis tout jeune, du secondaire, je me suis investi, impliqué à l'école. J'étais sur le conseil étudiant au secondaire, au cégep, la même chose. À l'université, avant d'arriver ici, j'ai fait 1 an en sciences politiques et j'étais aussi sur l'association. Donc, au niveau politique, toutes les technicalités puis les assemblées qui durent 9 heures pour 3 questions, je les ai connues. Donc, je sais c'est quoi aussi savoir bien communiquer pour faire passer nos messages. Parce qu'à l'intérieur de 9 heures, c'est long. Puis souvent, on a de la misère à retenir les choses. Et depuis que je suis à la SAP, comme cet automne, j'étais président par intérim dû au fait que le président était parti durant la session, j'ai beaucoup appris à devoir communiquer avec tout le monde, que ce soit le directeur du programme, les étudiants, tout ça, je trouve que ça m'a beaucoup aidé pour la communication. Super. Et quels sont tes projets importants si tu es élu comme VPCOM? Moi, premièrement, ce serait plus de transparence. Pas nécessairement que les autres personnes avant moi n'avaient pas fait, mais moi, j'ai une idée en tête et je veux la véhiculer. Par exemple, lorsqu'on parle de transparence, c'est souvent, on trouve qu'on manque beaucoup de personnes aux assemblées. Et comme le disait tantôt mon prédécesseur Michael Manny. Oui, exactement. Rappelons-le comme ça. Merci beaucoup. Dans les assemblées, il n'y a pas assez de gens. Quand on pense qu'on est 10 000 personnes, puis quoi, même pas 1% des gens qui sont là, faut s'investir. Et comme ça aussi, quand que je parlais avec les personnes sur le campus, souvent on me disait, oui, mais on arrive dans les assemblées, puis c'est pour nous parler de nos des décisions qui ont été prises. Mm-hmm. Puis moi, ce que j'aimerais faire, c'est surtout communiquer quand un projet commence, parler des procédures, qu'est-ce qui va engendrer nos décisions et finalement les décisions. Donc, on pourrait faire aussi des assemblées pour, là, on a un projet sur table, comment voulez-vous qu'on l'amène? C'est les 10 000 étudiants, c'est eux autres qui payent, c'est eux autres qui nous ont élus pour qu'on communique. Donc, c'est à eux autres d'avoir le droit de parole puis avoir un droit de parole direct avec nous autres. Parfait. Que représente la GEQTR pour toi, la question piège de la journée? La grande question. Bon, ça, c'est les trois d'avant, puis il fait un mix de ça. Mais... ouais, c'est ça, vu que je suis le dernier, j'en profite. Non, mais pour moi, la GEQTR, c'est une grande famille. Vraiment une grosse famille. Puis comme dans toute grande famille, lorsqu'on est 10 000, ben, c'est sûr qu'il va y avoir des conflits, puis c'est sûr qu'il va y avoir des malentendus. Quand on parle de communication, quand quelqu'un n'est pas nécessairement intéressé ou tout simplement n'a pas les ressources, ben, les rumeurs, c'est beaucoup plus facile de prendre ça vraiment pour des choses réelles. Donc, communiquer le plus possible, il faut vraiment parler à tout le monde. Fait que la GEQTA, c'est une grande famille. Puis je pense aussi qu'avec, comme je disais, avec 10 000 étudiants, on peut en faire des choses, puis on peut réaliser vraiment des grosses choses. C'est pas seulement une dizaine ou une quinzaine de personnes qui peut décider. C'est quand tous ces gens-là, les 10 000 personnes vont s'apercevoir qu'ils ont un droit de parole, qu'ils ont vraiment ils peuvent faire bouger un mouvement de masse. Mais je pense aussi que la GEQTR va fleurir dans ces moments-là. Excellent. Et quels sont les enjeux importants de la GEQTR en général pour l'année qui s'en vient? C'est, moi, j'arrive comme ça, un peu... je vois les personnes qui se présentent, qui se connaissent déjà. Moi, je suis un peu une personne à part. Mais je suis prêt quand que... Moi, je me suis toujours dit, quand on est intéressé, mais souvent, on va apprendre plus rapidement. Puis moi, je suis beaucoup intéressé aux communications. Comme qu'on voit, c'est comme Mathilde l'a mentionné, il y a le projet aussi du pavillon étudiant. Que ça fait longtemps qu'il y a un désir de ça. Puis on voit c'est le fun parce qu'on le voit, là, puis on les entend, comme vous le dites. Moi, c'est ça, pendant on voit les travaux. Nombre, ouais. Tout le monde s'intéresse à ça. Puis j'entendais, parfois, il y en a qui me disaient, ah, c'est quoi ça? Ah, moi, j'entends dire qu'ils vont faire un autre bar. Puis je dis, mais non, okay. Pas du tout. C'est des locaux étudiants. Wow. Ça va être pour vous. Ah, mais là, on m'a dit, comme l'agrandissement de la chasse-galerie, ça va être ça. Je dis, non, c'est pas ça. Ça, c'est des locaux. Puis aussi, comme encore, ça revient à la communication. Faut vraiment le sortir puis le dire, ouais, à tout le monde. Non, voyez, regarde. Puis même si votre argent est impliqué là-dedans, là. Puis que pour moi, je trouve que l'important, un des projets qui est le pavillon étudiant, c'est vraiment de communiquer puis montrer toutes les informations puis comment ça s'est passé. Mmh. Hey, pour terminer, dernier mot, pensée, chose à retenir, slogan. Slogan, ben, vu que moi, je me présente pour le poste de communication, venez me parler. J'adore la communication. J'aime ça parler à tout le monde. Donc, venez me voir puis n'hésitez pas. Parfait, ça. Alex Brisebois-Proux, candidat à la vice-présidence aux communications. C'est un des, je crois, deux postes qui oui, ont, dans le fond, des rivaux. Des rivaux, exactement. Exactement, ouais, un autre choix. Et on la recevra demain, c'est Roxane Dulon, qui est aussi candidate pour le poste de communication. Donc, merci Alex et merci Mathilde. Merci à toi. Merci aussi à Michael et Jean-René tantôt. Jean-Philippe, je pense que tu t'en vas pas mal, puis t'es déjà en retard, hein? Ah, oh non, écoute, il n'y a pas de stress. Moi, on a du plaisir. C'est... Anecdote, rapide. Anecdote de char, parce que t'en as parlé comme quatre fois, puis t'as jamais dit c'était quoi l'anecdote. OK, ben, très rapidement. Oui, oui. Ce matin, vous avez remarqué, ceux qui sont avec nous depuis 7 heures ce matin, que je suis arrivé une dizaine de minutes en retard. À peu près. Donc, il y a eu une bordée de neige hier soir. J'arrive tout fringant, tu sais. J'ai eu un bon matin, tu sais. Oui. J'avais vraiment un bon matin jusqu'à là. Et puis, quelqu'un s'est stationné. Comme en billet de mon auto. Okay. Donc, je suis arrivé, je fais « Ah, ben, tu sais, ça passe peut-être. » Fait que, tu sais, je déneige mon char. Déjà là, ça te rend un moins bon matin qu'un c'est vrai frustrant. Bon matin. Oui, oui. Donc, je déneige mon char, ça va. Puis là, j'essaie de passer, puis ça passe pas en tout. Tu sais, il y a vraiment aucun espace, aucune opportunité pour que je puisse sortir mon auto. T'es pogné. Je suis pogné là. Fait que le gars, j'aimerais ça... qui est vraiment une mauvaise journée. T'sais. Il y avait en plus, on a la description de son auto qui est vraiment comme, c'est rare qu'on voit comme ça. Comme ça. Son auto est comme ça, mais ouais. Lui, il est pas comme ça. Il est pas comme ça. Puis sa plaque est là, puis tout le monde est au courant c'est qui. Puis, ouais, c'est ça. Fait que, ben écoute, à ce monsieur-là, ben la prochaine fois, hein? Mange donc un char. Ah! Là, à peine de la raconter l'anecdote, t'as vraiment... Ouais, elle était savoureuse, hein, mais j'ai été un peu pris par surprise. Tu m'as surpris, Mathieu. On l'avait dit avant qu'on en parlerait. Ouais, je pensais que tu niaisais. Peut-être la finale. Donc, tu t'en vas. On te retrouve mardi parce qu'il faut l'annoncer. Demain et lundi, c'est Stéphanie qui va animer avec moi. Oui, elle sera co-animatrice officielle. Je partiam pour manger une grosse pomme. Tu t'en vas à New York faire le tour de la ville un petit peu. Oui, puis on fera du live. Oui, tu nous téléphoneras. Ben oui, ça se pourrait. Reporter à New York, à la Maison Blanche après ça. Tu vas pouvoir faire le tour du ouais, pays. Ouais, c'est pas à la même place. Là, mais... Pas, non, je sais bien. En direct du pont de Brooklyn, je t'appellerai. C'est en direct du Vatican pour parler du pape. Oui, c'est ça. Écoute, je vais être le globe trotteur de ces fous pour trois jours. Pour l'instant, on écoute Mother Mother avec Bit by Bit. 89 FM, vous êtes Assemblage Requis pour encore une 35N de minutes. Bye Mathieu, à bientôt. Bye, merci Jean-Philippe. Bit by bit, I'm gonna get my bricks out in the sticks. Bit by bit, I'm gonna build my house in the wildest thickets. I'm gonna get away from all those miles and my shit. I'm gonna say goodbye to all the la-di-da. Of a little wicked thing. Bit by bit, I'm gonna get my bricks out in the sticks. Bit by bit, I'm gonna build my house in the wildest thickets. I'm gonna get away from all those miles and my shit. I'm gonna say goodbye to all the la-di-da-di-da-di-da-di-da. Retour parlant de bit by bit, on va y aller bit par bit avec la chronique Kinky Sexy Time dans deux minutes. Hein, Steph? Ouh! Ah, c'est fou. Les extrêmes. Ça nous anime. C-F-O-U 89-1. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées. Assemblage requis. Ouais, je sais bien, c'est pas les choses dans l'ordre comme ils sont d'habitude. Là. C'est plate quand c'est pas comme d'habitude. Hein. Mais on revient de la pause, puis ce serait le plan de demain, t'sais. Ça serait beau, ça sonnerait comme super professionnel, tu sais. Ça sonnerait comme c'est supposé sonner. Ça sonnerait comme ça sonne depuis les dernières années, tu sais. Ça serait vraiment le fun. Mais si on est chanceux, on va pouvoir faire ça dans 2-3 secondes, tu Ah ouais? 2-3 secondes. On va être chanceux? Ben, je pense qu'on va être chanceux. Peut-être pas 3 secondes, mais mettons une 10-15 de secondes, puis je pense qu'on va être prêts. Ah tiens, voilà! Le plan de demain à assemblage requis. Stéphanie Paradis sera ma co-animatrice invitée. Maxime Hilodeau fera de la pensée magique dans sa chronique d'une foulée à l'autre. On recevra notre combo préféré du matin, Anne-Julie Durocher, Jasmine Raymond-Drainville et un œuf. Non! Et la chronique politique de François Landry, Novocratie 101, c'est demain 7h. Soyez-y! Ici serait le moment où le message du commanditaire jouerait dans la médecine. Ce ne sera pas dans l'ordre, mais comme ça serait là. Non? Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bien pour faire normal, on remet le bumper. T'sais. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées. Assemblage requis. Bon, là je comprends. Là. Ça, ça a du sens. Bon. Ma vie est revenue dans l'ordre. Ah, je m'amuse avec un rien, puis c'est pas drôle. Hein. Ben oui, il faut s'amuser avec ce qu'on peut. Bon. Avant de faire King Sexy Time, voici Olinéa et ta plus belle extorsion. OK? Tum, tum, tum, on chante tum, tout le long? Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Je connais pas les paroles. Moi non plus. Tum, tum. Ton visage naturel par-dessus ta connaissance. Ton innocence, ton la plonge sournois et ta présence de bourgeois. De l'homme de science. J'ai tombé dans ta danse et dans ta danse essayée. Ta danse essayée. Olinéa est ta plus belle extorsion à assemblage requis. On se rappelle jamais c'est quoi le mot, hein? Extorsion. Pas facile, ben merde, tenez. Donc, Stéphanie Paradis est toujours là? Oui. Oui. Et moi, c'est Mathieu Plante. Et maintenant, ben, c'est le moment de parler de choses qui sont plus osées. C'est la chronique préférée de Stéphanie et en même temps, la chronique préférée d'un public plus ou moins averti. Mm-hmm. Voici Kinky Sexy Time. Et on commence avec un petit voyage au New Jersey. T'sais, Jean-Philippe est parti pour New York, pour ceux qui ne savent pas. Et au New Jersey, ben, c'est proche. À côté. Juste à côté. Et au New Jersey, c'est le seul État qui permet l'inceste sans aucune restriction en autant que les deux personnes aient 18 ans et plus. Hein? Ouais. En tout cas, c'est un genre, hein? Ben, un genre bizarre. Un genre bizarre, pas sûr. La vitesse maximale à laquelle une sensation érotique peut voyager du cerveau, de la peau jusqu'au cerveau, OK? 156 000 à l'heure. Ah, attends, hey, je me suis téléchargé hier. Je me suis téléchargé une application de conversion hier. C'est génial, attends un peu. Bon, fait que tu vas nous dire 100 km/h. Ben, vous testez ça, moi, ça n'aura pas d'allure, là. Attends un peu, non, c'est pas ça. Je la connais pas encore, ben. 156, OK? Ouais. Done. Je m'en vais en, mettons, ça va être quoi? Ça va être longueur, ça, mettons? Kilomètre-heure. En kilomètre, 150 ans, c'est des milles que je voulais. Ça prend du temps à date, hein? Ouais. Donc, ça donne 251 km/h. Ah ben, c'est vite. Maintenant, je comprends comment l'application fonctionne. Oui, c'est rapide. L'application s'appelle Amount, si jamais ça vous intéresse. Elle est très jolie. Sur iPhone, évidemment. Au Liban, les hommes ont le droit d'avoir des relations sexuelles avec un animal, mais seulement si l'animal est femelle. Parce que l'homosexualité là-bas, ça marche pas, là. Ah, ouais. Je pensais qu'elle allait dire comme au New Jersey. Au New Jersey, si les deux sont majeurs et consentants. Ah, l'animal majeur commence à être vieux à cet âge-là. Seulement 15% des hommes ont un engin en érection qui fait plus de 7 pouces de longueur. Seulement 15%. Ben, tu peux-tu ressortir ton convertisseur? Ah, je pensais me demander de sortir d'autres choses. Attends un peu. Non. Non, ben, 7 pouces, j'imagine, faut s'imaginer un 6 pouces de Subway plus... Ben, moi, c'est un peu comme ça que j'y vais, en effet. Mais attends un peu. Tu veux donc 7 pouces? Elle va bien, l'application. Non, mais en fait, il paraît que les sous-marins, c'est même pas littéralement des 11 pouces, genre, à peu près. Donc, 7 pouces, ça donne en termes de combien? Tu veux ça en mètres? Non, centimètres. 17,78 cm. 7 cm. Fait que c'est comme, tu sais, les règles qu'on pouvait mettre dans nos études au primaire. 15 cm, mais plus que ça. 2 cm de plus. On se débrouille bien pour les longueurs, hein? C'est pas pire à 40 millions d'Américains sont des visiteurs réguliers de sites de pornographie. Le tiers sont des femmes. Donc, 40 millions d'Américains visitent ça régulièrement et le tiers composé de femmes. Ah, tu veux que je te convertisse le tiers en quelque chose? Parce que j'aime bien ça. Non, ça va. Non, okay. Ouais. C'est tout. En Australie, c'est illégal pour une femme qui a des seins de grandeur A, OK, d'apparaître dans de la pornographie parce que on croit là-bas en Australie que ça va faire la promotion de la pédophilie. Non, mais c'est parce qu'il n'y a rien de plus cute qu'une femme avec des petits seins. C'est cute. C'est tout cute. On s'entend que c'est cute, c'est pas de la pédophilie pantoute, ça n'a aucun rapport. La grosseur des seins ne fait pas de la pédophilie. Voyons donc, son fuck est bien. Ben voyons donc. Non, tant qu'à ça, je comprends pas pourquoi ils pourraient accepter l'épilation intégrale des films pornographiques. Tu vois, hein? Puis tout le monde est de même, hein? Une grande partie. Tout à fait. Oui, des films, il y a rarement du poil. Sauf l'homme. J'ai aucune idée. L'homme a le droit d'être fucking trop poilu, OK? C'est super désagréable. En tout cas, ça c'est mon opinion. Commentaire éditorial, opinion. Certains psychologues disent que dormir nu, d'accord, va augmenter ta confiance en toi. Ah! J'ai aucune idée pourquoi, mais... Ça doit dépendre à quel moment. Parce que s'il y a un voleur qui rentre chez vous et que t'es tout nu, j'imagine que tu dois soudainement... en tout cas. Bon point. Les condoms Magnum sont faits pour que la plupart des hommes puissent les porter. Ça, on a déjà parlé de ça dans King Sexy Time. C'était que les condoms Magnum n'étaient pas tellement plus grands que ça. Mais la différence, c'est que dans le fond, dans ce fait-là, c'est que la plupart des hommes peuvent entrer dans des condoms Magnum. Pourquoi? C'est pour leur donner encore plus de confiance. Oh, OK. Ils se disent, moi, je rentre dans un Magnum, donc je suis vraiment grand et gros et large. Désolé de te l'apprendre, mais non. Ensuite, l'homosexualité est toujours un crime, on le sait, dans certains pays. On en compte 86 pays où c'est toujours illégal et c'est un crime. Dans 7 pays, la punition peut aller jusqu'à la mort. Wow, tant que ça! Faut se battre pour ça. Oui. Oui. Pour que ce soit légal, pas pour que ce soit illégal, là, franchement. Je pense que c'était clair. Il me semble. On estime qu'environ 50% de tous les invités dans les hôtels vont commander de la pornographie. 50%, une personne sur deux. Autant que ça? Ben, tu sais que ça sera pas écrit nulle part, ça va être marqué genre, quelque chose d'anonyme, là. Ça sera pas... Comment? Si tu veux regarder de la pornographie, assume-toi, elle va pas te cacher. Exactement, en tant que tu t'assumes dans la vie, ça c'est important. Mais justement, tu sais, je veux dire, si déjà 50% des personnes qui vont à l'hôtel consomment de la pornographie, ça veut déjà dire qu'un grand pourcentage de la population consomme de la pornographie, donc pourquoi être mal à l'aise avec ça? C'est ça. Pourquoi est-ce que les magasins de trucs kinky sont... Tu sais, c'est gênant, puis tu sais, les gens n'osent pas se présenter là, puis il n'y a rien de gênant là-dedans. Voyons, c'est comme je vais me stationner au vieux du lutte. Au restaurant, exactement. On se comprend. Un sondage de chaîne d'hôtels, on reste dans le domaine des hôtels, d'hôtels bien cotés, là. Okay, un sondage de ces hôtels-là dit que 70% de leurs profits viennent justement des services de pornographie offerts dans l'hôtel. Wow. 70% de leurs profits. Leurs chambres coûtent déjà cher dans les hôtels de luxe. Ils devraient instaurer des services d'escorte sur place. Tellement, tellement. Le Hilton n'aura jamais été aussi bien nommé que quand ça va être Paris Hilton qui va venir te servir. 80% des hommes disent oui à une femme lorsqu'elle leur demande d'avoir des relations, alors que 5% des femmes disent oui lorsqu'un homme leur demande d'avoir des relations. 5% des femmes disent oui, 80% des hommes disent oui. Donc, c'est plus difficile de convaincre la femme, je comprends pas. 5% des femmes disent oui seulement? Moins. Ou 5% du temps, elles vont dire oui? Je pense que 5% du temps, c'est... Ouais. OK, on voit qu'il y a vraiment une incompatibilité homme-femme. Ben, les hommes sont tout le temps willing, tu sais. Ben, ils vivent l'homosexualité. T'as plus de chances de t'entendre, deux gars ensemble, deux filles ensemble. Exactement. Exactement. Approximativement 28 258 utilisateurs d'Internet voient de la pornographie à chaque seconde. 28 258. Chaque seconde. Ting, ting, ting. C'est tellement facile de tout interpréter. On peut tout voir comme pornographique. Vraiment. Après les relations sexuelles, le corps va produire plus de prolactine qui va aider à améliorer ton sens de l'odorat. Donc, apparemment qu'après les relations, tu vas avoir un meilleur odorat. OK, donc c'est pas le moment de puer. Non, mais tu sais, comme on a dit dans C'est un fait récemment, que ton odorat était le plus à son maximum de compétences dans la douche parce que l'eau chaude... va faire, tu sais, okay, va enlever le mucus ou je sais pas trop quoi, va faire que ça va mieux respirer. Donc, l'idéal, c'est vraiment les relations dans la douche. Oui, et là, l'odorat est à fond la caisse. Et ouais, mais là, t'es propre. Fait que. Si donc, aucun problème. En même temps, tu dois te laver après. Tu te laves pas avant, ensuite, faire ça, ensuite, te laver. J'ai pas. Question pour une autre fois. Le cerveau relâche tellement de dopamine pendant l'orgasme que le cerveau, qu'un scan du cerveau va ressembler à quelqu'un qui va avoir pris de l'héroïne. Oh! Oh! Intéressant. Les actrices de pornographie, on parle beaucoup de pornographie ce matin, je trouve, mais bref, peuvent facilement faire entre 100 et 250 000 $ par année. Mais les mâles, les hommes, les dudes, vont faire seulement en moyenne 40 000 $ par année. Donc 100 à 250 000 contre 40 000. Oui, parce que les vedettes des films, c'est loin d'être les hommes. Les hommes, on les voit souvent de dos, ou tu sais. Tout ce qu'on voit, c'est leur engin. De dos poilu. De dos poilu. Tous les poils, hein. Oh. Toi, les poils. Quoi, les poils? T'aimes pas ça? Ben oui, j'aime les poils. T'aimes les poils? Bon, mais... Dis-moi alors d'autres choses qu'on veut savoir. Il y a des places qu'il faut pas qu'il y en ait. Vrai. Seulement 2 ans après le mariage, on estime que 20% des couples vont faire l'amour moins de 10 fois par année. Hey! Par année, il y a 365 ou 6 jours par année. Hein. C'est pas beaucoup. Je pourrais convertir en termes de... en termes de truites. De truites. Ça fait combien de truites, ça? Je sais pas, c'est pas écrit. Oh non! Mais allez voir sur Twitter. Me pose la question. La plupart des hommes sont à leur fertilité maximale, OK? Et produisent le plus de sperme entre l'âge de 20 et de 30 ans. Oh! Je pense qu'on s'y attendait. T'es à la limite, là? Non, je pense que j'ai dépassé la limite. Je suis rendu plus au-delà de 30 ans. J'ai 30 ans et quelques jours, là! Ouais, mais c'est jusqu'à 30 ans inclusivement. Ah, inclusivement, OK, je savais pas. À 31 ans, je serais plus vraiment... C'est ça. Okay. Dans un an pile, t'es... Ça va être la déprime totale. Ah okay. Oh, oui, de la déchéance. 800 millions de films pornographiques sont loués par année en Amérique. 800 millions. Wow. Wow, en effet. Tu sais, le download. Comment? The download. The download. Je pense pas que les fournisseurs Internet vont vraiment venir te dire « Ah, oh, là, t'as téléchargé légalement Big Black Booty No. 9. » Je pense qu'ils vont plus te dire « T'as téléchargé Harry Potter, mettons, ou Le Seigneur des Anneaux, tu sais. » Probablement. Harry Potter, I don't even know her! Black Booty's anglophone. Okay. Une femme a poursuivi le système de transport de San Francisco disant qu'un accident de train, de cable car, l'avait transformé en infoman. Quoi? À cause d'un accident de train. Je sais pas comment il s'est produit, ben mais voyons. Ça l'a rendu nymphomane. Elle l'a poursuivi le système de transport public. Mais je me demande vraiment c'était quoi ses arguments. Tu sais? Je vois vraiment pas. Moi non plus, elle s'est fait foncer dans l'entrejean. C'est très curieux. 36% des femmes qui ont au-dessus de 75 ans disent qu'elles seraient très heureuses si elles n'avaient plus de relations sexuelles de leur vie. Ouais. Elles sont rassasiées. C'était pas la fille avec l'accident de train, ça. Je pense pas. Non, mais j'imagine que les hormones rendues là, ça doit pas être dans le tapis non plus. C'est là. C'est chimique, là. Ouais. Ça finit là-dessus, King Sexy Time. Ah, sur la déchéance des... Des femmes âgées. Mais on peut revenir sur des conversions. 75 ans en année de chien, ça va combien? T'as pas écrit, merde. T'as ça là-dedans, c'est non. Cool, là? Non, Colin. Mais en fait, je pense que tu fais juste comme x7, non? Oui, je pense que c'est ça, mais donc, moi, les maths... Donc, 75 divisé par 7, ben, ça fait 10, attends un peu, j'ai une calculatrice, 8, par exemple. Ça, j'ai une calculatrice, je le sais là-dessus. Je veux dire, il y a tout là-dessus, la calculatrice. Qu'est-ce que tu veux savoir? Ben, 75 divisé par 7? Ouais, en fait. Ça fait 10,71. Bon, j'étais pas loin, mon 10,8. Bon. Bon. T'es pas mal meilleur que moi. Après ça, t'as de la misère à compter combien de positions une pièce du palmarès monte ou descend au palmarès, c'est fou. Mais t'es capable de te convertir en division par 7 puis. Mais c'est pas dur, 70 divisé par 7. C'est tout pour Kiki CCTM. Retrouvez nos liens et toutes nos sources en fait sur twitter.com/asrequis. Cliquez sur la liste qui se nomme Kinky Sexy Time et les liens des faits qu'on a utilisés sont dans la page de l'émission du mercredi 20 mars sur assemblagerequis.com. Assemblagerequis.com, mercredi 20 mars. Voilà! C'est tout pour ça. On reprend une pause musicale et après ça, on revient. On va décider de ce qu'on fait du reste de l'émission. On a de la place pour soit slogan ou tout le temps de quoi? Ah, on va penser à ça. On va penser à ça pendant qu'on écoute Boy. Voici Little Numbers. En parlant de conversion, combien ça fait un nombre? Little Numbers. Un garçon versus une fille. C'est pas là-dedans non plus. Assemblage requis, toujours avec Stéphanie Paradis qui m'accompagne pour le reste de l'émission. Oui, qui s'est encore pété le micro d'en face pour vrai. Mais tu m'as pas, t'as comme pas dit genre 30 secondes, puis là, moi j'écrivais la toune. Pis... Steph, t'animes les palmarès, c'est fou, on joue cette chanson-là chaque semaine. Tu sais comment elle finit. OK. OK. OK, je m'excuse. Maintenant, c'est la chronique, ce slogan vous va comme un gant et on la fait rarement et on n'a pas de chanson thème pour. On a une chanson thème, mais c'est nous qui la chantons. Nous, tu veux dire tu? Moi, est-ce que tu vas faire des back vocals, genre? Je sais pas. Mettons, si je te fais des claquements de doigts dans le micro. OK? On attention, pas. Sur le beat. On est, mais fais-les plus proche, t'sais. Je peux te monter, toi. OK? Parfait. OK, attends, donne-moi un beat. Beat. OK? C'est quoi la mélodie, là? Je sais pas. Ce slogan vous va, ce slogan booba, booba, ce slogan vous va comme un gant. On le refait. Faut le refaire de l'autre bas, ça serait mieux si je le fais de l'autre bas. Claquement de doigts, s'il te plaît. OK, 1, 2, 3, 4. Ce slogan booba, booba, ce slogan vous va, ce slogan vous va comme un gant. Parfait, on l'a. Yes! Donc, ce slogan vous va comme un gant, c'est la chronique de slogan. Vous l'aurez deviné. Hein? Et comme ça commence sur un malaise, attendez-vous à rien d'autre. À rien de plus et rien de moins, c'est le but. Et je pense que la dernière fois qu'on a fait cette chronique-là, c'était il y a au moins 3-4 mois. Je pense que c'était cet automne. François était là. Oui, ça fait longtemps. Donc, on a accumulé une couple. Par exemple, j'avais un slogan pour un centre d'achat. Mettons, oui. C'est peu importe lequel. Mettons, un centre d'achat qui est situé sur le boulevard des Forges. Mettons si on l'a... Par exemple. Mettons. Et je remarque qu'à chaque fois que je sors de là, j'ai tout quelque chose dans la bouche. Fait que je trouve que le slogan, ça devrait être « Les rivières, vous sortirez toujours avec quelque chose dans la bouche. » Non? Vous sortirez toujours avec quelque chose dans la bouche? Ou encore sur le corps, ou tu sais, vous aurez tout le temps quelque chose dans la bouche. Ouais, je trouve que c'est bon. Tout le temps quelque chose dans la bouche. Ensuite, un garage, mettons qui s'appellerait... là, on invente un nom. On parle pas, évidemment, d'un garage qui s'appellerait littéralement Garage Gauthier. On parle d'un garage qui porterait le nom d'un gars qui s'appelle Gauthier. OK? Fait que c'est pas contre la... ça s'appellerait, mettons, leur slogan serait « Hey, Garage Gauthier! Gauthier-vous de mon chemin, m'en viens! » C'est, mettons, Gauthier. Il répare des chars, Gauthier-vous de mon chemin, m'en. OK, parce que lui, il se promène partout, puis... Ce serait un genre de garagiste ambulant, mettons, qui se promènerait partout. Tu sais, ce serait « Gauthier-vous de mon chemin! » Ça serait pas mieux pour un remorquage? Oui, ben c'est ce que je voulais dire. En fait, je voulais dire remorquage, Gauthier. OK. Gauthier-vous de mon chemin, tu vois? Ah, là, je la comprends. Aïe, c'est bon, tabarouette, c'est bon. Mettons une compagnie de téléphone qui s'appellerait Distributel, mettons. Par hasard. Okay? Mettons par hasard, total. À la place, Bell, leur slogan, c'est « La vie est belle ». Super pas original, ça existe depuis les années 1800, puis c'est la première fois qu'ils utilisent le slogan « La vie est belle », tu sais. Oui, oui. Moi, je trouvais que « Belle et bien simple », je trouvais que c'était cute. C'était déjà plus original, tu sais. C'était cherché un petit peu plus creux. Là. Un petit peu plus creux. On dirait que ça, ils l'ont trouvé devant leur nez, tu sais. Mais mettons que Distributel, leur slogan, ça pourrait être « Belle, c'est telle que telle ». C'est tel téléphone, Belle, Distributel, c'est tel bon. Téléphone, telle que telle. C'est un peu vache, mais c'est bon. Parce que sinon, tu sais, leur slogan aurait pu être à eux, Distributel, Distributel que telle, mais là, ça marche pas parce que c'est comme moyen. Si leur service était mauvais, ça pourrait être Distributel que telle. Ouais, c'est un petit peu comme... Une pin contre toi-même. Ouais, t'sais. C'est ça. Mais c'est bon, des fois, de la reverse psychology. Où tu dis à un enfant, fais pas ça pour qu'il le fasse, tu comprends-tu? Mais il y a une annonce de céréales comme ça qui dit oui, Fiber mais One. Vous n'aimerez pas ça. Ouais, non, c'est pas Fiber 1. C'est quoi non? J'ai un blanc. Moi, ouais, c'est Muslix. Ouais? Je pense. Ah, mais ça bon, se peut. Non, c'est Distributel que tel, j'aime bien ça. Il y a un courtier immobilier à Trois-Rivières qui, là, en nommant, ça fait vraiment comme littéralement dire. C'est, ben, à date, je pense que je me retiens pas vraiment sur les compagnies, là, mais il s'appelle Samir Chella. Okay. Samir Chella, c'est un courtier immobilier, OK? Hein? Oui. Fait que sa maison, ta maison à toi, à Chalavendre, à Chalavendre, Chalavendre. Chalavendre. Samir Chalavendre. Oh! Non? Oui. Pas pire, je trouve. Oui, c'est pas pire. C'est pas mieux que Ronald, là, sur le bord de l'autoroute, que son slogan, là, c'est genre, ou je sais pas quoi, c'est René, il y a avant ta maison, puis il y a des petites notes de musique autour, là. C'est son slogan, tu sais. Je pense que Chalavendre, c'est déjà un petit peu une coche au-dessus. T'sais. Oh, oui. Le mousse. Le bar Mousse au centre-ville, tu sais, Mousse. C'est, tu dis, ben, tu sais, mettons, dans la pub, tu vois un animateur de télé, tu sais, qu'on voit dans tous les pubs, mettons, là, oui. L'animateur de radio ou de télé, on sait. Puis là, il pourrait dire, mettons, tu sais, moi, je le vois dire, Mousse qu'on mange à soir. Mousse qu'on mange à soir, non? Eh ben. Ah, oui, c'est bon. Pas pire. À l'Aubainerie, magasin de vêtements, l'Aubainerie. Oui. T'as une marque de vêtements qui s'appelle Urine. À quoi? U-R-I-N, c'est le nom de la marque. À chaque fois que je la vois, je me dis, je veux pas acheter un vêtement qui s'appelle Urine. Sûrement que c'est Urine, tu sais, mais même en anglais, Urine, c'est de l'urine. Ben oui, fail. Fail total. Mais moi, leur slogan, ce serait I'm pissed, I wear urine. I'm pissed. Oh, c'est cœur, hein? C'est cœur, hein? C'est cœur, hein? Ben, c'est pas mal, c'est ce que j'avais. Ah! Non. Tabarouette. Mais tu sais, pour vrai, je comprends pas comment tu peux donner un nom comme ça à un vêtement. Ouais. C'est comme Richard. Pourquoi est-ce que le surnom, c'est... Tu le sais ce que ça veut dire. C'est comme si les Richards en français, on les appelait bits. Ah, OK, excuse-moi. Oui. Bite. Petite Bite. Non, mais pour vrai, hey, salut, Bite. La chanson de Mother Mother, Bit by Bit, là, ça parle de Richard. Richard. Richard par Richard. C'est une nouvelle unité de mesure. Ben oui. Lui, d'être un 4x4, c'est un Richard par Richard. Ouais. Non, 4x4, ça, c'est un auto. C'est un 2x4, je voulais dire. C'est un auto ou c'est un entre-gens qui a une drôle de dimension? 4x4. 4x4 pouces. C'est un beau petit cube. Beau cube. Bon, voilà pour ce slogan. Vous va comme un gant. Ouais. Wouhou! Wouhou! Hey, on l'a fait une fois par deux mois, puis on a duré même pas 5 minutes. C'est pas assez, ça. Ah, mais oui, mais c'est du... C'est à moi d'en trouver d'autres, hein? Du tac au tac. Du tac au tac. Tic-tac, mettons, les tic-tac, là. Les tic-tac. Les bonbons tic-tac. À la place, tu sais, il y avait le dessin animé Tic-tac, Ranger du risque. À la place, ce serait tic-tac, fraîcheur du... Faudrait que ça rime, tu sais. Rangeur du... Qu'est-ce qui rimerait avec risque? Bisque. Fraîcheur de la bisque. Parce que t'as mangé de la bisque, la soupe. Fait que fraîcheur de tic-tac, tu vois. Fait que t'as comme une bonne haleine de homard. Non, mais ça enlève ton haleine de mort. De mort. Bon. Je sais pas, tic-tac, dépêche-toi, le temps passe, t'auras plus de tic-tac. On tourne en rond. Non, mais moi, je suis pas bonne. Non. On écoute Mauve, Beetle ou T-Bird. Ça va être meilleur. Les autres sont bons. Ouais. On revient après pour se dire au revoir. Pourquoi m'ont-ils dit qu'il est 7h27 du soir? Il est pas 19h27. Non, chance, non. C'est une chance. L'émission est longue. Imagine 2 heures là-dessus, c'est déjà plate. Mauve et Beetle ou T-Bird. C'est là-dessus que se termine notre édition d'Assemblage requis de ce mercredi matin. On remercie Stéphanie Paradis. On remercie Mathieu Plante. Oui, Jean-Philippe Charbonneau, bien sûr, les candidats aux élections de l'AGE, qui étaient Jean-René Leblanc-Gadoury, Michael Mani, Mathilde Loisel-Davidson et Alex Brisebois-Proux. Qui d'autre? Personne d'autre. Pas mal ça. C'était pas mal ça. Pas mal ça. Restez avec nous parce que sur nos ondes à 11h, c'est Dîner de con avec Danny Janvier. Ensuite, le voyage insolite et album classique si vous les avez ratés à 13h. À 15h, c'est Dans mes écouteurs, émission d'Indie Rock. À 16h, on passe en rap avec Rap Fusion et le Big Mac Show. À 19h, c'est électronique avec Electro Tactile. Et à 21h, CTR et Transformers. C'est la programmation d'aujourd'hui. Allez voir le cif.ca pour la programmation complète. Et passez par assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balados diffusion. On vous rappelle facebook.com/assemblagerequis, twitter.com/asrequis. Tout est là, tout est partout. Mais on aime ça que vous écriviez, fait que faites-le don. Moi. Tu sais. Demain et lundi, Steph, on coanime ensemble. OK, yes. Jean-Philippe va être à New York. Ben, en fait, quand il m'a demandé de le remplacer, au début, il voulait que je le remplace dans son voyage à New York. Mais j'ai fait, non, essaye-toi pas. Moi, je vais à Assemblage requis. Tu vois, t'as des priorités à la bonne place. Oui. À la bonne place. Bye.